Je suis à Étampes samedi, il faut venir à 16h. Mais j'allais le dire, Doc. Ah bah oui, mais bon. Doc, il croyait que j'allais l'oublier. Attends, l'espace culturel t'as pas une Leclerc musique d'événement, à Étampes. Cassie, mets-nous c'est quand une même musique un lieu mythique. L'espace culturel attends, Leclerc à Étampes, c'est un lieu mythique. Doc, laisse-moi faire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vous rappelle que ce week-end sera un week-end différent des autres week-ends. Déjà, vous verrez Karim Acharny sur la scène du M6 Live. Ça va passer sur W9 samedi soir et ce sera à Issy-les-Moulineaux. Et bien sûr, vous aurez le doc en dédicace à Étampes au centre commercial. L'espace culturel Leclerc. Pour une dédicace exceptionnelle. Il sera accompagné de notre producteur Maxime. Voilà, pas tout seul. Soyez tous et là. Et parce que toi, t'as pas voulu venir. Au rendez-vous, je ne serai pas présent de donc, j'ai d'autres chats c'est à fouetter. Rue d'Hélice à Étampes. Rendez-vous donc lundi soir, rue d'Hélice à Étampes et lundi soir samedi en direct à 16h. Samedi à 16h. Et tout le week-end sur le Facebook de l'émission, on continue le jeu Choufi. Alors allez-y, montrez vos chaussures, faites des photos rigolotes et vous gagnerez des bons de 50 euros pour votre paire de chaussures New Look. Et on retrouve Mickaël maintenant. J'ai pas mis l'alarme aujourd'hui. T'as été gentil. Ouais, bravo, je sais, mais parce qu'il y avait la promo du doc, alors bon, les choses importantes d'abord. Attends, faut quand même pas déconner. Deuxième mi-temps avec vous les amis. Exactement, on va suivre tout ça. Et puis comme je l'ai dit hier, ce soir ça va être du lourd. Puisque je vais vous offrir, comme vous avez peut-être pu le voir sur le Facebook et le Twitter, le pack complet mondial 2014. Très lourd avec le maillot de l'équipe au choix. Tu prendrais quel maillot toi Karima? France. Oh là là, je prends le Portugal. France. Non mais le Portugal tu ne le vendras pas. Non t'inquiète pas, tu vas voir. Il propose qu'à Karima hein. Avec Ronaldo. Mais j'avais demandé au doc s'il allait prendre comme, comme maillot. France aussi. Et Karel? Moi je prends la France bien sûr. Oh les chauvins là. Ah bah attends, regardez si là, le Brésil, regardez. Non mais si tu me payes un peu cher, je peux prendre Portugal. N'importe, mais il faut pas être payé. Attends, tu devrais payer pour avoir ça. D'accord. Okay. Je vous jure. Non mais si tu me files du pognon, je le prends. C'est Portugal. C'est ça. Et bon, déjà ça vaut 450 euros. On vous offre le maillot complet, les chaussures de foot et Nike et le ballon de foot officiel FIFA 2014. Donc dans quelques minutes. Voilà. Bonne soirée, bon week-end et bon match de foot Karima. Hein, parce que les autres s'en foutent, mais. Non, pas du tout. Attends, tu plaisantes ou quoi? Bah attends, tu vas suivre la Coupe du Monde? Ah bah attends, à fond. T'as la télé chez toi? Mais c'est surtout que j'ai fait des pronostics et tout. Ta gueule. J'ai fait des pronostics. J'ai l'intention de me faire un maximum d'argent. C'est Betclic qui va se faire un maximum d'argent grâce à toi, non? Ah, je suis pas sûr. On verra. Je vais gagner ce soir. Bonne chance alors. Bon week-end à vous en tout cas. Allez, c'est parti. On est jusqu'à 2h sur Fun Radio. Écoutez. Oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Est-ce que tu fumes des cigarettes en chocolat et tu bois du lait comme ça au bar? Non, je fume pas de cigarettes, je bois du panaché. Virginie, elle s'est fait pécho. Eh ben ça fait plaisir. Eh ben bravo. Ah ouais, ça fait plaisir, ça fait du bien en tout cas. Allez ouais. J'ai fait des fourrailles et le steak. Bob, dans ce soirée, parlez pas de comme ça de ma ville. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram. Et maintenant, en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. C'est Brésil, c'est le fête. C'est parti pour un mois de Coupe du Monde. Ça va être beau, cela dit, ne vous sauvez pas. Et oui, si vous n'aimez pas le foot, hein, ça change rien à l'émission. Il y aura toujours quelque chose de bien à écouter le soir à la radio. De 23h à 2h, du lundi au jeudi, de 20h à minuit le dimanche, évidemment. Alors, on va suivre dans quelques minutes en direct la suite et la deuxième mi-temps du match entre le Brésil, match d'ouverture, et la Croatie, avec un partout pour l'instant, dont deux buts brésiliens, puisqu'il y a eu un but contre son camp. Il y a Mehdi qui est avec nous maintenant, là. Salut Mehdi. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien et toi? Tu suis un peu le match de soir ou t'attends Belgique-Algérie ce week-end? C'est sûr que je suis le match. Plus d'un milliard de personnes qui sont en train de regarder le match en même temps là. Un milliard de personnes, c'est un truc de dingue qui sont en train de regarder Brésil-Croatie là. Écoute, t'as vu? Là ici on regarde, en Belgique ils regardent, partout ils regardent. En Algérie, la Mehdi il est en direct d'Algérie, là il regarde aussi. Donc voilà, t'avais un petit pronostic pour le match de soir? Je vois bien un match nul. Ouais, c'est facile de dire ça quand il y a 1-1. Non, je vois plutôt 2-2. Ah, 2-1, 2-2, d'accord. Ah ouais, tu vois un petit but croate encore. Bon, écoute, on verra bien. Hein. On verra bien. Bon, toi, Mehdi, on t'avait eu hier parce que t'avais surpris ton prof, enfin ta prof et ton directeur en train de se rouler des patins, de flirter. Tu les avais grillés. Ton directeur t'a convoqué aujourd'hui, ce matin à 10h. Et tu vas nous expliquer dans quelques minutes ce qui s'est passé. D'accord ? Toi, t'étais un peu en flip, t'avais peur qu'il t'arrive des problèmes. Moi, je t'avais dit, t'inquiète, il va simplement essayer de se rassurer lui-même et de savoir un peu ce que t'as vu et pas vu, etc. Tu vas nous expliquer dans quelques minutes. Est-ce que t'as envie d'écouter un son particulier ce soir ? Pas vraiment, non. Pas vraiment, bah écoute, très bien. Alors moi, il y a Lee Midon, toujours mon son préféré, là, avec Avicii qui va débarquer. Tu connais ou pas ça? Ça marche en Algérie ou c'est Avicii ou pas? Ouais. Ah bah très bien. Très bien en soirée. Eh ben bah j'imagine bien. Il y aura mon deuxième son préféré, David Guetta, que vous avez découvert sur Fun. C'est début de la semaine, là, lundi. On vous l'avait fait découvrir toutes les heures sur Fun Radio. Et puis c'est normal, hein, forcément, David Guetta ne fait découvrir ses nouveaux morceaux que sur Fun Radio. C'est un peu logique. Blast Off, qu'on vous fera découvrir tout à l'heure. Et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, bah vous êtes les bienvenus. Hashtag M-I-K-L of des maillots de foot sur Fun. Hey. Il y en a qui se plaignaient hier. Oui, c'est trop long. Et Mickaël sur Fun Radio, c'était trop long. Bah maintenant ce soir, vous allez mettre hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Voilà, donc vous allez pouvoir voir, je l'ai écrit déjà le hashtag si vous êtes sur Twitter. Et ça servira également à gagner ce soir au Top Twittos. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous offrir un petit cadeau football si vous êtes numéro 1 ce soir du Top Twittos. Ah. Un cadeau bonus. Peut-être un cadeau bonus. Mais pour ça, il va falloir mettre le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Et bien, si vous le tweetez un maximum, ce hashtag, et bien peut-être que vous repartirez avec évidemment le cadeau offert par passagedudésir.fr, c'est-à-dire un magnifique sextoy, et en plus de ça on suce un petit cadeau footballistique. Voilà, j'en dis pas plus, c'est beau, mais vous aurez peut-être un double cadeau ce soir. Il y a Marie qui dit coucou mes bouts de chou, sauf Toff bien sûr. Toff, dégage, tu pues. Mickaël, tu peux mettre We Are One de Pitbull et Gilo? Bien évidemment qu'on le mettra là. Je rappelle que c'est l'hymne de la Coupe du Monde. Alors évidemment, ouais, on va le mettre en plus, hein, comme ça ça a démarré tout à l'heure là. On peut parler de la dégaine de Pitbull. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. La dégaine de Pitbull, c'était quand même scandaleux. Je sais pas si vous l'avez vu. Attends, là, mais... le mec qui vient quand même, c'est. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a 1 milliard de gens qui vont le voir. Mais plus, parce qu'après, avec les photos, les machins, les trucs. Ouais, tu mais vois. Bon, en direct quoi. Il y a 1 milliard de mecs qui vont le voir en direct, et le mec il est venu habillé comme ça. Et ouais, c'est. Le mec qui a toujours la classe, qui est toujours en costard et tout. Et là, à il se a. Demander, hein. On essaiera de trouver une photo, on vous la mettra sur le Facebook et le Twitter pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a Jenny qui dit encore un putain de soir avec vous, sauf Toff, dégage tu pues, décidément vous êtes passé le bon. J'ai trop d'amis là. Ouais, ce soir, il y a Julien aussi sur le Twitter. Ah ben moi je veux bien le maillot du Portugal. Ah ça c'est bien ça, Julien. Il y a qui aussi là? Il y a Iskia qui dit c'est juste pour demander si vous étiez là pendant les vacances. Oui, on sera là pendant les vacances. Pas toutes les vacances, mais en tout cas on sera là jusqu'à la fin du mondial. Angélique sur le Twitter, je suis dans mon lit, je stresse pour le bac, je compte sur vous pour avoir un petit cadeau mes amours. Eh bien tu. Notre cadeau Angélique, c'est que nous te souhaitons bonne chance. Voilà. Nous penserons à toi. J'espère que t'es contente, que c'est un putain de cadeau quand même. Allez, attention. Bon, allez, balancez vos messages avec le hashtag Mickaël, bien entendu. Enfin, Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. On va récupérer Mehdi dans quelques minutes. Là, reste avec nous. Il y a Sandro qui est là. Un petit pronostic, Sandro, pour le football ou pas ce soir là? Je sais même pas qui joue. Hein. Ah, bah, c'est Belgique. Belgique. C'est Brésil-Croatie pour l'instant. Pour le Brésil alors. Pour le Brésil, d'accord, ok, très bien. Bon, on va pas donner plus de détails au niveau du score. C'est déjà 1-1. Hein. Ouais, en là, gros, c'est comme si c'était 0-0, c'est pareil. Il reste, bah, ça vient de commencer là. Il reste encore 45 minutes, le temps d'une mi-temps. On vous tient au jus, bien entendu. Toi, va bien entendu aussi regarder les matchs avec tous ses nouveaux amis. Hein. Tu pètes ta queue, connard. Voilà. Va t'occuper de ton gros cul, va. Ta gueule, va niquer ta mère, va, ta fils de chien. Voilà, c'est un nouvel ami que nous avons rencontré hier soir. Trop d'amour. Ce fut très agréable d'ailleurs. Et puis pendant que Polo évidemment et l'armée des doux prendront le contrôle du monde, vu que tous ces gens seront en train de regarder le mondial 2014, et bien Polo avec tous les doux, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué, ils prendront le contrôle de ils la sont terre. Dans le monde. Et ils sont très nombreux. Faites dans attention. Le monde, les doux, effectivement. Oui. Bon, beaucoup de messages sont arrivés aussi. Mais comment on gagne les maillots de foot? Comment on gagne votre pack mondial 2014 avec le maillot de foot de l'équipe qui se trouve au Brésil, hein, qui se trouve donc qualifié pour la Coupe du Monde. Donc c'est un des pays qui participera à cette Coupe du Monde pour gagner le pack mondial 2014 avec donc le maillot au choix, avec le ballon de foot officiel de la Coupe du Monde et avec également la paire de Nike qui vaut 250 boules rien qu'à elle seule, hein. Faut le savoir quand même. Ah oui. Je vous ai mis la photo de la paire de Nike qu'on vous offre sur le Facebook et le Twitter. C'est le banner qu'on a fait là avec avec les maillots, avec etc., etc. Donc si vous voulez gagner ça, le pack complet qui vaut à lui seul 450 euros. Il faut répondre à une question hyper méga over complexe. Ah. Alors attention. Si place, il bâche. Exactement. Alors attention, la question très très compliquée. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Est-ce qu'il y en a 3, 4, 5 ou 6? Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec votre pack foot donc 2014, mondial 2014, ça vaut 450€, le maillot, le ballon de foot et les paires de pompes Nike, eh ben, paires de pompes évidemment avec crampons, des vraies chaussures de foot, attention. Oui, oui. Eh ben, vous envoyez design simplement, tout, hein. Exactement, top design, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 par SMS ou alors au 63-22 pour la Belgique. Je répète la question, combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot donc du Brésil? Est-ce qu'il y a 3, 4, 5 ou 6 étoiles? Vous envoyez donc Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22. On donne la réponse tout à l'heure avant minuit 30, donc dans moins d'une heure et demie. Je vous souhaite évidemment bonne chance et prévenez vos potes également hein, qu'il y a bah, justement ce cadeau de ouf, 450€ ça vaut, à gagner ce soir sur Fun Radio. Et d'ailleurs pour ça, si vous avez Twitter, vous mettez évidemment le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Continuez, je compte sur vous. Il y a Balom qui dit je suis pour le Brésil, offre-moi le maillot du Brésil, sinon je sucerai la bite de Toff. Moi ça lui ferait trop plaisir, tiens. Damien également, j'écoute l'émission depuis octobre et en plus je vous kiffe, je veux bien un petit message de bienvenue, bien sûr. Tu t'attaques ta queue, voilà. Et oui, Damien et Corentin qui dit avec le hashtag évidemment Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Ce soir le match, je vous écoute ce soir, nuit blanche, vu que je passe en troisième. Bien, c'est bon ça. Voilà, et ce soir donc la colle est déjà partie en week-end. Hein. Oui, c'est fini. Ah non, bah, c'est pas fini, mais ce soir en tout cas elle est partie en week-end, elle reviendra dimanche la colle, puisque ce soir il y a des maillots de foot à gagner, donc forcément ce soir la colle est en vacances. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, je sais pas si vous vous souvenez, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on avait eu Paul Le Poulpe. Oui. Ouais, et... Paul Le Poulpe qui donnait les pronostics, des matchs, etc., etc. Et bien cette année, on a Madame Shiva, un magnifique cochon d'Inde. Bon, pour le moment, elle n'a prédit que le score Suisse-Équateur. Hein. C'est pas non plus le plus gros match du monde. Non, mais bon, avec une victoire de la Suisse, a priori. Donc, on vérifiera ça dimanche, puisque c'est Suisse-Équateur, ce sera ce dimanche. Mais si vous avez des pronostics, ou alors si vous avez des numéros de voyants qu'on pourrait éventuellement appeler pour essayer de connaître le résultat des différents matchs, n'hésitez pas, bien entendu, à nous communiquer ces numéros-là. Vous nous appelez au 01 42 48 5000, ou alors au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Évidemment, je compte sur vous. On va s'écouter aussi ce soir. Bah, il y aura Armin Van Buuren qui va débarquer là avec Ping Pong. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, demandez, vous êtes tous les bienvenus bien entendu. Ça se passe sur Fun Radio, Mickaël No Limit, 23h, 2h du mat. Et ce soir également, nous aurons le canular du jeudi. Canular du jeudi, si vous voulez piéger quelqu'un, un ami, votre patron, votre prof, bref, quelqu'un que vous connaissez, vous avez envie de le rendre dingue en fait, tout simplement. Et puis nous, on se marre par la même occasion, bah, vous nous appelez également pour participer. 01 42 48 5000. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, Mickaël No Limit, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. On écoute Tiesto, c'est Wasted sur Fun. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel un justicier, vous donne la parole. Il est plus gros que vous. Ah ouais? Mickaël No Limit. Tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bah, en parlant de cadeaux, on a mis le menu en début d'émission là. Ça y est, c'est plié, le décor est planté. Quoi, il y a Il y a le pack mondial 2014. Donc comme je le disais, le maillot de foot de l'équipe de votre choix, équipe nationale qui joue donc au mondial, la Coupe du Monde 2014. On vous file donc le maillot, le complet évidemment, le ballon de foot officiel et la paire de pompes Nike. Le tout vaut 450€. Pour ça, il faut répondre bêtement à une question très compliquée. Attention, combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? 3, 4, 5 ou 6, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 depuis la Belgique. Je tire au sort avant minuit 30 et puis l'un d'entre vous repartira avec la totale carrément. Hop là, c'est parti, la totale, ça vaut 450€ et bonne chance. D'ailleurs, il y a le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun qui bouge pas mal sur le Twitter de l'émission. Continuez d'ailleurs, hein, vous mettez ce hashtag là pour participer à l'émission, comme ça on voit tous vos messages. Et Jeanne-Françoise qui dit après Paul Le Poulpe, peut-être que Toff Le Port peut nous faire des pronostics. Ouais, mais chaque fois que je fais des pronostics, généralement c'est pas très bon. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais essayé à la dernière Coupe du Monde, j'ai tout perdu. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Il y a Mathieu qui dit Mickaël, donne-moi un coup de pelle, je passe en troisième. Bien vu. Ça, c'est bon, ça. Alors, bravo à tous ceux qui ont réussi à Let's Be Freaks qui est de retour, c'est pas vrai. Je veux bien maillot de la France ou de l'Espagne, sinon un sweat avec l'odeur de toffe. Ah, écoute, pourquoi pas. Écoute, écoute, j'ai un t-shirt dans le bureau. Je l'ai mis pour venir en Vélib. En Vélib. Je l'ai mis pour venir en Vélib. C'est-à-dire qu'il doit puer la transe. Et bah voilà, on peut l'envoyer à Les Bifrix. On lui envoie. Et bah très bien. Bon, Les Bifrix, envoie un mail à Toff avec ton adresse. On va t'envoyer ça. Alika qui dit salut à toute l'équipe. Heureuse de vous retrouver ce soir. Perso, je voudrais le t-shirt de l'Allemagne. Gros bisous, je vous adore. Miguel également qui dit un bon petit maillot du Portugal. Eh oui, le maillot du Portugal évidemment. Et Maël qui dit un petit maillot du Brésil. Je serai déjà content avec le hashtag. Et Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Il y a Benjamin qui dit ferme ta gueule de merde. Sale enculé, encore et toujours dans ma tête depuis hier. C'est le générique de fin de l'émission pour ceux qui écoutent jamais jusqu'au bout. Et Audrey aussi qui envoie un message là, où est-ce qu'il est? Faites gagner des filles, moi, je veux le maillot numéro 11. Ouais, mais tu veux de quel pays, Audrey là? On n'a pas dit qu'on aurait gagné un garçon. D'ailleurs, c'est bien pour ça que c'est pour éviter justement qu'on se dise ouais, vous avez encore fait gagner une fille ou un garçon. On ne demande pas votre prénom. Ouais. Vous envoyez et Mickaël, la réponse à la question, c'est-à-dire combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil, et on tire au sort. Voilà. Donc voilà. On a juste votre numéro de téléphone et pas de ségrégation. Voilà, il faut le mettre par contre le numéro. Le numéro de téléphone ? Oui. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a certains opérateurs qui nous permettent de voir votre numéro et d'autres pas. Donc vous envoyez effectivement et Mickaël, suivi de la réponse et votre numéro de téléphone par sécurité. Comme ça au moins on a votre numéro. Et vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Voilà. Bon allez, bonne chance tout le monde. On va dans un instant essayer de récupérer notre ami Mehdi en Algérie pour voir ce qui s'est passé. Là, ça vient de couper. Alors je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il a... Peut-être qu'il s'est fait choper par son directeur. Peut-être, je sais pas. Bon, je sais pas. En attendant, on va prendre Junior avec nous de Paris là. Salut Junior. Junior ? Oui. Ah, Junior est de retour. Parfait. Mais c'est ton prénom Junior ? Bah oui. Oui, c'est le prénom Junior. T'es dans la rue là, Junior ? Oui, ben je suis dans la rue parce que je vais m'installer là, je suis dans la rue. D'accord, ok, bon. Bah écoute, installe-toi, normal. Mets-toi bien, mets-toi pépère, tranquille. Qu'est-ce qui t'amène Junior ? Est-ce que tu suis le foot déjà ce soir, le match d'ouverture de la Coupe du Monde ou pas ? Oui, j'ai vu le Brésil. Très bien, alors enfin, t'as vu la moitié du match. Ouais, parce que là, si t'es dehors, tu verras pas la suite, hein, je te le dis direct. Mais on vous tient au jus de toute façon. Bon alors Junior, qu'est-ce qui t'amène ? Bah écoutez, j'ai un petit souci, là aujourd'hui ma copine ne veut pas faire l'acte. Ouais. Ça fait plus de un an et demi que je suis avec et... Ah ouais, t'as attendu, hein. Ouais. Mais c'est toi qui as attendu ou c'est elle ? Enfin, c'est toi qui avais envie ou c'est... ou pas ? C'est elle qui a envie. Et moi, j'ai pas trop envie. Bon, tu veux qu'on t'explique comment bourrer, c'est ça ? Voilà. Bon, tu prends ta bite. Ouais, tu dans l'absolu. Tu prends alors, ouais. Tout en deux. Ouais, comme un gros porc, c'est comme ça que ça marche, ouais. Oh, non, mais attends. Attends, mais qu'est-ce que t'as déjà fait sexuellement ? T'as déjà fait des ouais, préliminaires ou rien de rien de chez rien ? Rien, à part des fellations. Attends, t'as reçu une fellation ou t'en as faite ? J'ai fait une fellation avec mon ex. Ah, tu m'as fait peur. Ah, elle t'a fait une fellation, elle t'a fait une pipe. Ouais, elle m'a fait une pipe. D'accord, ok, ça. Bon, bah t'as kiffé. Ouais, pas trop. Ah, ouais, mais la pipe, bon, après, c'est ça, non, mais ça dépend, c'est délicat. C'est délicat. Si c'est mal non, fait, ouais. Il faut des années. Non, mais il faut beaucoup de pour la de fille. Pratique. Ben oui, hein, pour la fille, même pour le mec. Au départ, c'est bizarre, tu sais, t'es là, tu oh non, tu sais moi, pas ma trop première, c'est très bien. Ouais, mais toi, tu fais parfait. Ça a été rapide, mais je veux dire, la première a été plutôt pas mal. Ouais, la perfection. 3 heures, t'appelles ça rapide, 3 heures, toi, Mickaël. Ouais. C'est ça, ouais. Non, ça a été rapide, mais voilà. Mais oui, mais après, c'est... Et ta meuf, elle a déjà fait ou elle est toujours vierge ? Ben, elle est vierge. Bon, d'accord. Bon, merde. Ok. Alors, expliquez-nous votre première fois, là, comment ça s'est passé, histoire de donner quelques conseils à Junior, là. 01 42 48 5000. Non, c'est bon, ta première fois dans le bus, là, je pense que je peux me mettre une patate si tu racontes encore cette histoire. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Alors, pour les nouveaux auditeurs qui se disent, mais putain, moi, je connais pas, c'est une histoire chiante, tu t'as payé une meuf dans un bus en Angleterre. Il a été rapide, elle et puis voilà, la meuf, elle était déçue. Moi, je suis déçu, moi, j'aime bien la raconter. Ouais, non, mais ça ira, c'est gentil. Attends, reste avec nous. Reste avec nous, Junior. On va se faire également dans quelques minutes, bah, plus tard peut-être. On va également se faire les appels malveillants dans quelques minutes. J'ai d'ailleurs un très très bon thème pour ce soir. Mais en attendant, retour avec Mehdi, toujours en Algérie, qu'on a eu hier d'ailleurs il y a à peu près 24 heures en direct dans l'émission, qui nous expliquait qu'il avait grillé sa prof et son directeur en train de flirter. Il les a vus, eux l'ont vu également. Du coup, il a été convoqué ce matin à 10h dans le bureau du directeur. T'étais en flip parce que tu savais pas trop ce qui allait se passer. Moi, je t'avais dit, ne galère pas trop, ne t'en fais pas, à mon avis, il veut juste prendre des infos pour s'assurer que t'as pas vu trop de choses éventuelles, ou t'as en tout pas cas vu les doigts quoi. Non, bah, ça je sais pas, mais ou en tout cas juste peut-être te faire comprendre qu'il serait plus judicieux de fermer ta gueule. Donc alors, mesdames et messieurs, j'aimerais savoir ce qu'il s'est passé. Merde. Mehdi. Ouais. Prépare-toi. Alors attention, roulement de tambour. Choisis tes mots. Va-t-il, est-ce qu'il s'est fait virer? Est-ce qu'il a gagné des points? Parce que moi je l'avais dit, écoute, ça peut même te faire gagner des bons points ça, hein, pour le coup. Hein. Résultat, maintenant. Eh ben, il m'a proposé un petit marché. Ah, ah. C'est-à-dire juste après la pub. Il n'y a pas de pub, on est au cœur d'une heure sans pub. Bon alors. Il m'a dit si j'oubliais tout ce que j'ai vu, il pourrait oublier aussi tous les rapports qu'ils ont fait sur moi. Bah, ah, parce voilà. Que t'es un élève modèle. Ouais, ouais, t'es un élève modèle, mais modèle dans le fond de la classe, non? Voilà. Eh ben voilà, bah, c'est impeccable ça. Allez hop là, voilà. Oui, mais en plus, ces rapports-là, je les ai eus à cause de toi. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Attends. Est-ce qu'on peut faire juste une pause? Parce que là, attends, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Toff arrive à avoir des ennuis en Algérie. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore en Algérie avec... Je comprends pas. C'est ouf. Bah, c'est juste que ma prof m'a demandé de faire un exposé sur une personne exceptionnelle. Et t'as pas exposé sur cette tête de con? Eh, faut que tu me l'envoies. Eh, tu pouvais pas prendre quelqu'un d'important? Je sais pas, moi, Barack Obama, Michael. Oui, moi, par exemple. Non, mais je sais pas, quelqu'un de bien, le doc. Non, mais dis, tu son peux m'envoyer Jérôme? Tu bah, peux bien m'envoyer sûr, ton le, travail? Le grand patron de Fun. J'ai choisi, je sais pas pourquoi. Quelle horreur. Mais attends, avant d'envoyer quoi que ce soit, qu'est-ce que t'as dit? Parce que, bon, il y a quand même pas 150 000 trucs à dire, tu vois ce que je veux dire. T'as raconté l'histoire du bus impérial et tout? J'ai juste dit genre qu'il était genre qu'il se la pétait trop. Ah ça c'est vrai. Qu'il se foutait de la gueule des meufs. Ça c'est vrai aussi. Mais attends, mais c'est quoi cette école où tu fais? Attends, mais il faut que tu m'envoies ce truc là, moi je pense. Ah que... il va le donner à sa mère, attends, elle va être fière. Maman, il y a des mecs qui rendent des devoirs sur moi à l'école. À l'école, exactement. Genre c'est Victor Hugo. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Ah ouais, non, je veux le lire. Mais pourquoi t'as eu des problèmes du coup à cause de ça? Parce qu'ils ont cru que tu te foutais de leur gueule? Ouais, c'est ça. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, forcément, les mecs qui tapent Toff Fun Radio sur internet, ils disent attends, il est sérieux lui avec son devoir pourri là? Tu m'étonnes. Bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'est-ce que je t'avais dit qu'il fallait pas avoir peur? Ah oui, c'est ça. Eh ben j'avais raison. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bon, eh ben écoute, tant mieux, je suis plutôt content pour toi Mehdi, tiens-nous au courant. Hein. D'accord, parce que si jamais il y a quelque chose qui bouge, évidemment. Salut Mehdi. Salut Mickaël. Ouais Mehdi. Je pourrais participer au jeu pour gagner le pack du monde. Bah, il faut envoyer. Ah oui merde, comme t'es en Algérie, du coup ça va pas. Bah écoute, on va prendre ta réponse en antenne du coup, exceptionnellement parce que t'es à l'étranger, on va prendre la réponse par téléphone. En plus vous me connaissez, je suis sur Twitter, Vladimir Poutine. Ah c'est toi Vladimir Poutine? T'as Vladimir ah, ben, Poutine est algérien. Bah merde. Qui l'aurait cru? On nous cache des trucs. C'est clair. Bon alors du coup je te repasse Sandro, tu donnes ta réponse au standard. Et puis voilà, bah, je donne ça uniquement pour Mehdi parce qu'il est en Algérie et qu'il peut pas envoyer de SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique forcément. Donc c'est exceptionnel. Je te repasse Sandro Mehdi, salut à toi. D'accord, merci Michel. Allez, ciao à toi. Il y a qui est avec nous? Il y a bah, Junior hein, qu'on va récupérer dans quelques minutes là pour sa première fois. Il y aura Jonathan de Lyon qui voulait donner son avis. Et puis il est l'heure de parler. De parler de cette magnifique question du soir, ces appels malveillants. Alors, je viens de trouver une bonne étude qui ne sert à rien évidemment sur la position qui donne le plus de plaisir aux filles. Alors, selon cette étude, la meilleure c'est l'alignement coïtal. Donc, c'est le missionnaire. Bah, c'est le missionnaire avec les jambes de la meuf sur les épaules du mec. Ah, oh, grave, c'est bien ouais, ça. Ouais, tu vois j'ai toujours remarqué que tu fais ça, la meuf elle gueule deux fois plus. C'est pas mal. La deuxième position c'est l'Amazone. Ouais. Voilà. Et la troisième position préférée de Polo, c'est la fille assise sur son mec. Hein. Donc Polo, comme il aime bien dominer, déteste cette position. Non, j'ai un mal à la bite quand j'ai ça. Ça me fait un peu mal. Mais c'est genre vrai. Elle est trop longue. Mais non, elle est tordue. Non mais c'est vrai. Ta meuf a qu'à se mettre sur le côté. Je sais pas moi. Elle a qu'à faire l'Amazone de travers. L'Amazone de travers. C'est la matrizone. La matrone. Enfin, de travers, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et puis la dernière, la levrette. Donc ça, j'explique pas. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. Doggy style également, appelé comme ça aux États-Unis. Donc venez nous dire, les filles, la position qui vous donne le plus de plaisir et qui vous amène à l'orgasme le plus rapidement. Les mecs également, vous pouvez participer, bien entendu. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous pouvez aussi envoyer tous vos messages avec vos réactions en envoyant Mickaël au 64 900. Bon, toi, tu vas faire quelques appels malveillants, hein, pour poser la question à tes amis? Bah, évidemment. Eh ben, dans quelques minutes, évidemment. Avec plaisir. Hey. Va t'occuper de ton gros cul, bah. Ta gueule, bah, va niquer ta mère, va, bah, sale fils de chien. Très sympathique, cette personne que nous avons rencontrée hier. Adorable. Grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. D'ailleurs, continuez. Tiens, il y a Wesley qui dit: salut Mickaël, j'ai ramené mon frère. Petit message de bienvenue pour lui. Il s'appelle Chris et merci beaucoup pour tout ce que vous faites, sauf Tof, bien entendu. Avec plaisir aussi, tiens. Tu t'attaques ta queue, connard. Voilà, Damien qui dédicace à Tof, car sans lui, les appels malveillants à caractère pornographique n'existeraient pas, c'est vrai. Et Miguel qui dit: cette année, c'est les crottes de cochon d'Inde qui disent qui sera le grand gagnant du match. Ah bon? Et Hugo qui dit: salut Mickaël, ton émission est ouf, juste tu peux me donner le numéro de fun? Bah, c'est 01 42 48 5000. Voilà, n'hésite pas surtout. Je vous rappelle la colle. Je vous rappelle la question dans quelques minutes pour gagner votre pack mondial 2014 qui vaut 450 €, le maillot de l'équipe de votre choix, les pompes Nike pour faire du foot et qui valent 250 € à elle seule, et le ballon officiel FIFA 2014. Je vous offre ça dans quelques minutes et je vous rappelle la question juste après le son David Chou au cœur d'une heure sans pub. Lay Me Down sur Fun. After we, things get tough. Et voilà, 2-1 pour le Brésil sur un pénalty inexistant, mais bon, un pénalty quand même de Neymar. Voilà, j'ai dit que je vous tiendrai au courant, c'est fait. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et comme je vous ai dit que on parlait foot, justement, je vous rappelle qu'il y a donc toujours le maillot complet, le pack mondial 2014, avec le maillot de foot de la nation que vous aurez choisi, hein, voilà, Belgique, France, Suisse, Portugal, Croatie, Brésil, peu importe, Espagne, bref, tous les pays qui jouent au mondial 2014. Vous choisirez le pays que vous voulez. Je vous file également les chaussures Nike, officielles bien entendu, hein, et je vous offre aussi le ballon qui va avec. Vous allez donc totalement être équipé, ça vaut 450 € le pack. Pour ça, il faut répondre correctement à la petite question que je vous pose, très simple, je pense en tout cas, hein. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Si vous pensez avoir la bonne réponse, et c'est facile pour jouer. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse et votre numéro de téléphone. Vous mettez tout ça au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et puis si vous êtes sélectionné dans moins d'une heure maintenant, vous repartirez avec le pack complet. Et c'est plutôt pas mal en plus. Et puis ça vaut 450 € comme je le disais. Et comme je l'annonce aussi, à 23h30, vous avez évidemment plus de chances de gagner que si c'était un jeu qui se passait le matin par exemple. Il y a moins de monde le soir, quoi. Voilà. C'est vrai. Moralité, vous avez donc plus de chances de gagner, surtout si vous avez la bonne réponse. Voilà. Et Mickaël est la réponse et votre numéro de téléphone au 64 900. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Bonne chance. Il y a Valou qui dit: perso, un bon missionnaire bien fait m'apporte assez de plaisir. Ouais, mais missionnaire quand même, quoi. Ouais, missionnaire, franchement, c'est chiant. Ouais. C'est vraiment la position qui m'emmerde le plus. Enfin, qui m'emmerde. C'est une position. Non, qui t'a rien à voir, t'es content. Mais je veux dire, à choisir, tu prends mieux, quoi. Ouais. Ah, bah oui. Bon, alors du coup, on va faire les appels malveillants. Allons-y. Et alors, je vais raconter ce qui m'est arrivé aussi tout à l'heure à la station service. Bah, enfin, pour moi, c'est normal ce qui s'est passé. Mais Tof aurait été vénère. Ah ouais? Bah, lui, ça lui arrive jamais, quoi. Enfin, bon, je vous explique après. Voilà. Ah, chaque chose en son temps. On va d'abord faire les appels malveillants. Non, on va d'abord faire les appels malveillants. Il a serré meuf à la station essence. Non, bah non. Oh, tu lui as mis le plein ou pas? Oh là là. On va donc faire les appels malveillants grâce au numéro de téléphone que vous envoyez sur le mail de Tof. Enfin, continue d'ailleurs. Tapez toph@funradio.fr. C'est parti. Tu veux donc leur demander quelle est leur position préférée? Bon, il y a la position qui donne le plus de plaisir. Ouais, enfin, ouais, c'est bien ça, bien sûr. Bon, normalement, c'est aussi celle qui est la préférée, en général. Bon. En tout cas, on vérifie, c'est parti, on appelle, 23h34 sur Fun Radio, toujours au cœur d'une heure sans pub. Et 2-1 pour le Brésil, premier match ce soir de la Coupe du Monde 2014. Allô? Oui, bonsoir madame. Ah? Oui, bonsoir, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la position qui vous donne le plus de plaisir, madame. Écoute, en tout cas, pas quand tu me la mets dans le cul, ça c'est sûr. Oui, mais c'est pas ce que je vous demande, madame. Mm-hmm. Moi, je veux juste savoir, c'est la position qui vous donne le plus de plaisir, c'est tout. Ouais, bah surtout pas quand t'es dans le coin. D'accord, mais ça... Non, c'est bon, t'as fini, tu t'es bien éclaté? Bah non, parce que vous avez pas répondu à ma question, madame. Ouais, bah si tu veux que je réponde à ta question, tu me dis t'es qui, pourquoi t'appelles? Bah je m'appelle Tof, madame, et je voulais savoir la position qui vous donne le plus de plaisir. Bah encore une fois, je te réponds, pas quand t'es dans mon cul. Allez, oui, j'ai compris, madame. Ciao. Allez, au revoir. Allô, c'est sous-entendu, tu as déjà essayé apparemment. Bah, on dirait. Bah oui, attends, on va la rappeler. Elle avait l'air cool en plus, vraiment, très sympa. Oui. T'es au courant que si je porte plainte avec les heures à laquelle tu as appelé, on peut remonter jusqu'à toi quand même. Oui, bien sûr, mais je peux vous donner mon numéro, ça ira plus vite. Bah écoute, donne-moi ton numéro, comme ça demain je vais chez les flics et ça ira plus vite. D'accord, alors quand vous allez chez les flics, c'est des appels malveillants à caractère pornographique. Bah excuse-moi, mais dans le genre m'appeler alors que je ne sais pas qui tu es et me demander ma position préférée, tu ne penses pas que c'est un appel malveillant à caractère pornographique ? Ah si, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est pour ça, c'est pour que vous vous trompiez pas quand vous allez quoi. D'accord. Donc mon numéro c'est le 01. Oui. 42. Oui. 48. Oui. 50. Oui. 00. 00. Voilà. Merci bien. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Allô. Ah bah non, merde, en plus sur le numéro de téléphone là. Ah bah oui. Oui, donc c'est important, si jamais on vous appelle, c'est bien ça, c'est juste, c'est plus facile après pour les flics, ils s'y retrouvent plus facilement. C'est comme un dossier quoi, voilà. Ils savent qui je suis quoi. Exactement, bon, on rappelle. Allez hop, suite de l'appel malveillant donc. Oui. Donc on va rajouter harcèlement au caractère pornographique de tes appels malveillants, espèce de petit con. Mais attendez madame, parce que vous êtes pas gentille, moi j'ai répondu à votre question pour répondre à la mienne. Allô. Non, elle a pas envie, tant pis. Encore un coup, on arrête là. Oui, bon, allez, encore elle est pas sympa. Comme ça elle fera appel malveillant, caractère pornographique et en plus harcèlement. Bon, comme ça c'est une triplette, c'est mieux. Allô. Oui, je m'excuse madame, mais faut pas le prendre comme ça. Non mais tu te fous de moi là. Mais pas du tout madame, moi je vous appelle gentiment, je vous pose une question et. Ouais. Vous énervez. Oui, non, mais je m'énerve pas. Bah si, j'ai juste qu'en plus de la plainte au cul pour tes appels malveillants, tu vas avoir une plainte au cul pour harcèlement, c'est pas compliqué. Ah, mais non, madame. Et puis moi, je vais le faire, par contre, tu vois. Parce que tu dois te dire que les gens à qui tu fais ça, ils le font pas, machin et tout, mais moi, je vais le faire, par contre. Ah non, moi, je me le dis pas, madame, je sais très bien que les gens le font, y a pas de souci. Donc, t'es bien gentil, mais tes petits appels de trou du cul, tu te les gardes et tu les fais à quelqu'un d'autre. Mais non, madame. C'est pas gentil, madame. Oh, bah non, c'est pas gentil, madame. Hein, bah non. Bah non, tu voudrais quoi, que je t'essuie la morvonnée ou la gouttoyeur? Non, juste que vous répondiez à ma question, ce serait déjà pas mal. Et si t'allais faire chier quelqu'un d'autre pour ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi je veux bien madame, alors répondre à ma question. Non, je répondrai pas à ta question et tu vas aller faire chier quelqu'un d'autre s'il te plaît. Oh, c'est... Non, vraiment sérieusement, tu vas aller emmerder quelqu'un d'autre. Vous êtes pas gentil madame. Non, t'as raison, je suis pas gentil. Allez, bah, oui. Je te souhaite une très très bonne soirée et puis amuse-toi bien demain avec la police. Au revoir. Oui, au revoir madame. T'es à la radio demain toi, Daf? Bah je crois pas mais... Non, bon bah écoute très bien hein. Mais bon, peut-être que, hein. Oui, bah oui, au pire, c'est le sous-chef qui accueillera, hein. Mais oui. Bah voilà, il y a l'habitude. Bah oui, il y a Nicolas qui dit, on fera d'autres appels tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, vers minuit 30, d'autres appels, bien entendu, malveillants. Et je rappelle encore une fois, bien sûr, que si vous avez des numéros de téléphone aussi sympathiques que ceux-là ou que celui-là. Donc tu t'attaques ta queue, connard. Voilà, n'hésitez pas, bien entendu, à donner les numéros de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Nicolas qui dit, salut l'équipe, vous pouvez passer une dédicace à Guillaume, Coralie, Alexia. Bah voilà, le message est fait. Il y a Kia également, sur le Twitter qui dit hashtag et Mickaël offre des maillots de foot sur Fun, le maillot pour moi et les chaussures pour ma moitié et le ballon pour notre loulou. Ah bah voilà, comme ça au moins ça fera la famille complète. Et Benjamin, ça fait du bien de vous entendre les loulous, encore une bonne soirée qui s'annonce. Merci pour tous vos messages, merci d'être là d'ailleurs tous les soirs. Et oui, je vous offre le maillot, le pack complet, on en reparlera d'ici 5 petites minutes. Et qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Alors un truc, un rêve pour Tof. Un rêve. Ah bah. J'arrive à la station. Oui. À la station-service, je fais le plein. Il n'y a pas des effets spéciaux. De station-service, c'est compliqué. Hein. Ah non, mais une porte, une voiture qui arrive. Ah si, oh, c'est génial. Ça, c'est voilà, génial. Bien sûr, ça, c'est possible. Il n'y a pas trop de problème, quoi. Ah merde, bon, ça c'est. Oups, elle est cassée. Oui, ça non, c'est un petit accident. C'est ça. Voilà, donc j'arrive à la voiture tranquille, pépère. Ouais. Je me mets bien. Hop, je me mets à la pompe numéro 7. C'est là que je vais d'habitude. Tranquille. Normal, hein. La pompe 7. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis là, tranquillement, je descends de la voiture, je rentre, je mets la carte, tout le bordel, je me rends compte qu'il n'y a pas de gants, tu sais, pour pas salir les mains, là. Du coup, bah, forcément, c'est la galère. Je retourne de l'autre côté de la station. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux meufs qui arrivent vers moi. Non. Donc, bah, deux, bien, hein, franchement, bien, Tof, t'aurais pu nager. J'aurais pu nager dans son décolleté. Ah, t'aurais pu nager dans le décolleté, là. Alors là. Ah ouais, je peux te dire que t'aurais été au top. Hein. Et là, elles me disent, dis donc, bonjour, vous allez pas vers Paris? Ah, moi, je dis, bah non. Enfin, si, j'y allais, tu vois. Mais je me dis, attends, ça se trouve, il y a le mec qui attend derrière ou quoi. Le roumain. Bon, ouais, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, non, il y a un autre mec qui est passé derrière, et il les a pécho, il est parti. Voilà, et après lui il les a pécho sur les nerfs et voilà. Oui bah peut-être, non mais après je m'en fous, je voulais pas les pécho. C'est juste que c'était quand même l'histoire qui aurait pu t'arriver. T'arrives à la station service, hop, et puis voilà, deux meufs. Non moi c'est toujours les. Moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est toujours le bon, si jamais elles écoutent l'émission, bah, m'ont pas forcément reconnu. Enfin elles m'ont pas reconnu si on me l'aura dit. C'était à la station Total sur la E19 à Nivelles en Belgique. Voilà, comme ça ça donnera peut-être une idée si jamais elles écoutent. C'est vrai que j'aurais pu. Et puis je me suis dit, oh, j'ai du bordel dans la voiture et une poubelle là. Ouais bah ouais, c'est pas comme ma voiture, ça m'aurait pas dérangé moi. Ouais non mais toi non mais bon. Et non mais ça m'est... chaque fois que ça m'arrive, c'est toujours les gros dégueulasses qui sont pas lavés depuis 8 jours. Non, qui non veulent aller à Paris, quoi. Bah elle c'était mignonne, il y en a une qui était mieux que l'autre évidemment, mais non elle c'était mignonne. Toujours comme ça, il y a toujours une mieux que l'autre. Je vais raconter une anecdote, en même temps vaut mieux pas que les meufs rentrent dans ta bagnole. C'est que la dernière fois il m'a déposé, mec, ça a pué, mais quand je dis, tu vois, mais c'est. Oh là là. Mais parce qu'il avait mis du fromage dans sa bagnole et avec la chaleur. Mais quelle idée. Ça chlinguait, j'avais envie de vomir. C'était bon le fromage, je suis arrivé chez moi, je me suis fait un kiff. Quelle horreur, tu parles, ça devait être immonde, laisse tomber. Ça m'était arrivé comme ça aussi. Bon, à l'époque, je venais à peine d'avoir la voiture et je trace, donc j'étais sur une avenue et puis tout d'un coup, je vois trois meufs qui faisaient de l'autostop. Putain, ça n'arrive jamais. Non, mais je m'arrête pas. Il y a 4 ans que ça arrive, ces trucs. Mais non, mais au moment où ça fait le tilt, bon, j'étais célibataire en plus à l'époque, donc j'aurais pu. Au moment où ça fait tilt, je m'arrête, je fais demi-tour. Ah, bah évidemment, la voiture derrière, elle s'était. Elle a pas réfléchi 3 heures, elle s'est arrêtée direct. Et comme je suis repassé de l'autre côté, bah je voyais les meufs rentrer dans l'autre voiture, j'étais vénère. Je me dis merde, putain. Et là, c'était de l'or en barre. Hein. Alors, 3 qui arrivent d'un coup, là. T'as rien demandé à personne, t'es là pépère. Un sandwich. Ah grave. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà pris des autostoppeurs ou autostoppeuses, ou est-ce que vous avez déjà fait de l'autostop? Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Mal? Est-ce que vous avez terminé sur la banquette arrière ou... Non, jamais. Chaque fois que j'ai pris des autostoppeuses, jamais. Même pas un petit doigt, rien quoi. Ouais, bah toi ça m'étonne pas. Hein. Bon, donc appelez-nous pour nous dire 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je rappelle aussi que vous pouvez bien sûr envoyer tous vos messages pour réagir. Vous envoyez Mickaël au 64 900 par SMS. Et puis on lit tout ça bien entendu en direct. Retour avec Junior de Paris là. Toujours là Junior qui va tester sa première fois avec sa copine. Il est un peu en stress. Oui. Bon, très bien. Pas. Bon, il y a Jonathan qui est avec nous de Lyon. Salut Jonathan. Salut. Tu vas bien? Ça va et vous? Bon, tranquille, ouais. Bon, alors comment s'est passé ta première fois toi? J'ai eu plus de stress que ça, mais en fait ça s'est bien passé hein. Bon, explique un petit peu là pour qu'il te déstresse un peu. Cherche ta position. C'est plus facile pour moi que je. Fais le missionnaire, t'emmerdes pas. La première fois, fais le missionnaire, te casse pas la tête, va. La missionnaire, ouais. Ah ouais, missionnaire, la meuf est allongée, toi t'es au-dessus, tranquille. Ouais. Commence pas à faire des trucs de ouf. De porno, mec, t'es pas un acteur porno. Voilà, ouais, c'est ça. Ni un athlète de haut niveau. Le missionnaire, c'est comment? Le missionnaire, c'est la meuf qui est couchée sur le lit. Mais t'es sérieux, Junior? Là, je me couche sur le lit, sur le dos, et toi t'es sur elle. T'as jamais vu un film de Huck? Là, je suis en Formule 1. J'attends, je sais pas, va arriver, je sais pas comment je vais... Attends, Junior, t'es en train de te foutre de la gueule, là. Junior, t'es en train de te foutre de la gueule, là. Je suis en Formule 1, je sais pas quand elle va arriver, je connais pas le missionnaire, je sais pas faire... Non, mais je suis à l'hôtel, là, j'attends, elle va arriver maintenant, c'est pour ça... T'es sérieux, c'est-à-dire que ta première fois, tu vas la faire dans un Formule 1, t'imagines que c'est l'image qui va te rester toute ta vie. Je peux pas m'emmerder, c'est une rebeu, elle veut pas... Ouais, je vois pas le rapport en plus, tu vois, le truc c'est pas maintenant, donc quel est le rapport? Ah oui, c'est pas le ramadan là. Mais oui. Cela dit, on s'en fout, il y en a peut-être qui nous écoutent là, qui ont pas fait la première fois, mais voilà. Et t'as demandé à ta daronne, ouais, est-ce que je peux fourrer la meuf à la maison? Mec, j'y crois pas une seule seconde. Moi non plus, mais bon. Elle va me démolir. Hein. Sans déconner. Bah ouais, Polo, première fois c'était comment toi? Sur un lit. Non, classique. Super, mais comment, quelle position, ça s'est bien mal passé Non, mais classique, pareil, une pipe simple, et puis tout sort direct, c'est-à-dire que t'attends tellement longtemps qu'au bout d'un... Comme un doux, quoi. Et puis missionnaire. Comme classique. Un doux, la première fois. Pire qu'un doux. Pire qu'un doux, ça c'est directement, là, paf, directement. J'ai dit que je vous tiendrai au courant, là, il y a eu un but croate qui a été annulé, donc voilà, toujours 2-1, comme ça. Vous êtes tenus au courant, si vous voulez pas écouter des trucs où il y a que du foot, nous on vous tient au courant des plus... les moments les plus intéressants dans la rencontre entre le Brésil et la Croatie ce soir pour ce premier match de la Coupe du Monde. Il y a Benoît également, encore de Paris. Salut Benoît. Salut. Oh Hindou. Oh. Ça va Benoît? Oui, ça va et vous? Ça va, ouais, tranquille. Toi, tu nous appelais pour la première fois, t'as déjà fait toi? Non, justement, ça va être ma toute première fois, donc je flippe énormément. Comment ça, ça va être la première fois? J'ai 14 ans, donc... Mais tu sais pas encore, t'as pas de meuf, ni rien, rien n'est précis. Bah en fait elle m'a proposé et tout, donc bah j'ai dit ouais, mais je sais pas comment elle va pouvoir gérer. Attends, mais comment ça se passe quand une meuf propose à un doux de faire l'amour? Elle arrive, elle dit bon alors on peut faire l'amour, et toi tu dis non, je sais pas, je vais voir, j'hésite, ou tu demandes à ma daronne? Non mais t'es un doux, tu peux pas faire l'amour. C'est ma petite amie et Non. Bon, c'est ta petite amie. Vierge. Oui, c'est ça. T'es la petite amie depuis combien de temps? Pour un an. Ça fait ah ouais quand même. Et bah toi, dans tu, deux ans, Ludou. T'es bien toi, Benoît. Là, tu vis sur le long terme. Hein. C'est bien. T'as raison. Bon, oui. De toute façon, si t'es en stress, ne le fais pas. C'est que t'es pas prêt pour le faire, donc t'emballe pas. Oui. Bah oui, c'est pas la peine de le faire pour le faire. Même si elle a demandé, après, ça se respecte dans les deux sens. C'est vrai que c'est plus rare qu'un mec soit pas prêt, mais c'est possible aussi. Donc si jamais vous êtes un mec et que vous avez envie de niquer votre copine et que votre copine elle est pas prête et qu'elle dit non, faut pas la virer pour ça, faut pas lui mettre la pression. Elle le fera quand elle le sentira, ça marche pareil dans l'autre sens. Donc voilà, s'il faut pas te mettre la pression, si t'as peur là et que t'es en stress, c'est que t'es pas encore prêt. Donc vas-y à la cool, Benoît, tu lui dis écoute, je préfère qu'on attende encore un petit peu. C'est pas grave, c'est tout à ton honneur. Et si elle se barre, c'est que c'était une conne. Voilà, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc sois à la cool. Et puis, c'est vrai que c'est mieux quand t'as déjà mué. Hein. Ouais, ouais. Tu vois, parce que hey, l'orgasme quand t'as pas mué, mec. Ah non mais. Prends ton temps, jeune doux, prends ton temps, reste à la cool, t'inquiète, tout va bien, ouais, Benoît, profite. Voilà, regarde Cartoon Network encore un peu et tu vas être bien. D'accord? Essaye de comprendre la sexualité de Bob l'éponge. Voilà aussi, ouais. Non mais sérieux, reste à la cool et prends ton temps, voilà, tu le feras quand tu seras prêt, t'inquiète pas, ok? Ok. Bon allez, salut jeune doux. Merci. À bientôt. Salut Benoît. Salut Jonathan, merci d'avoir appelé. Salut. Ciao, ouais. Et puis bah Junior, bah bonne bourre, hein, sort couvert et puis tiens-nous au courant, hein, tiens-nous au jus. Bon bah allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Ouais, je fais à mon ami Yassine en prison et après. Très bien, parfait, bah voilà, comme ça le message est passé à une seule personne, c'est la règle effectivement. Bon, allez, bougez pas sur Fun Radio, on va revenir, je vous explique encore une fois comment faire pour gagner votre pack mondial 2014, le maillot de foot au choix de l'équipe nationale que vous voulez, la France, la Belgique, le Portugal, le Brésil, bref, peu importe. Et vous pouvez bien sûr aussi repartir avec, c'est dans le paquet complet d'ailleurs, le ballon de foot et les chaussures Nike qui vont bien. Restez là, il y a Armin Van Buuren dans un instant qui va débarquer avec Ping Pong sur Fun. Et je vous repose la question bah, dans 3 secondes là, voilà, bougez pas, je vous repose la question pour gagner le pack complet mondial 2014. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Allez, le troisième pour le Brésil. C'est Oscar qui a mis le but là à la 91e minute. C'est bientôt fini, il en reste plus que deux là. Deux petites minutes de jeu. On vous tient bien sûr au courant comme promis. Et comme on est dans le football, eh bien je vous annonce encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, pour les autres je le rappelle, qu'il y a donc le pack mondial 2014 à gagner. Ça se voit notamment sur le Twitter avec le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Donc ça va se passer pendant un mois comme ça. Hein. Et ce soir je vous offre le pack complet avec le maillot de foot de l'équipe au choix, les chaussures de foot Nike qu'on vous offre, et en plus je vous offre aussi le ballon officiel de ce mondial 2014. Pour gagner, c'est très simple, il suffit de me dire combien il y a d'étoiles sur le maillot du Brésil. Voilà, si vous avez la réponse, c'est facile, je pense. En tout cas, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse et vous laissez votre numéro de téléphone dans le message, comme ça au moins on est tranquille et on est sûr d'avoir votre numéro de téléphone pour vous rappeler dans une trentaine de minutes. Je vous souhaite bonne chance. M-I-K-L est la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS aussi depuis la Belgique. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Le maillot de foot évidemment du Brésil. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Bon, on va dans quelques minutes. On va prendre Jessica avec nous là maintenant. Là. Salut Jessica. Salut. Comment ça va? Ça va et toi, Mika? Bah très bien, Jess. Bon, alors Jessica, t'appelles d'où? De Waterloo, toi, c'est ça dans le Nord? Oui, Waterloo, c'est à Waterloo. Ouais, Waterloo, exactement. Ouais. Bon, très bien, c'est dans le Nord. Et tu voulais nous parler des autostoppeurs, autostoppeuses, puisque c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Il y a deux meufs qui voulaient monter dans ma voiture. Je me suis dit, attends, quand même pas déconner. Certes, elles étaient mignonnes, mais bon, Bon, Toff les aura prises direct. Ah bah moi j'aurais même pas discuté. Vous allez au pôle Nord? Oui. Oui, pas de problème, pas, c'est sur ma route, c'est sûr. Bon, je vais je descends vers le Brésil, mais vous inquiétez pas, je passe par le pôle Nord pour y aller, hein, y a pas de problème. Bon, donc du coup, je vous avais demandé si vous vous étiez déjà fait prendre par des autostoppeurs, enfin si vous avez déjà pris des autostoppeurs ou autostoppeuses, ou si vous avez déjà fait de l'autostop et comment ça s'est passé. Voilà. Donc alors dis-nous tout, Jess, bienvenue à toi. Alors bah écoute, moi j'étais avec ma belle-sœur, on rentrait de Lille et on a pris un jeune en autostop. Ouais. Et le gars super sympa, oui, on a fait la route, pas de problème et tout. Et arrivé à destination, en fait, on le dépose. Bon, c'est un peu con, hein, mais nous on a rigolé, on n'en pouvait plus. Il descend de la voiture et là je redémarre, si tu veux, mais ma voiture elle patine. Ouais. Et là, ma belle-sœur Madeline arrive dans le rétroviseur et elle me dit « Jess, putain, arrête-toi, il y a le gars qu'on vient d'arrêter, en fait, il était plein debout. Il était en train de s'essuyer et on a chopé une barre, le pauvre, on a ouvert la fenêtre, comme ça, on l'a regardé, il était là, il s'essuyait. » Et puis voilà, on a rigolé, c'est une anecdote sympa et à chaque fois, on la raconte, c'est drôle. Non, écoute, c'est le principal, mais ça va, il s'est rien passé de grave parce que c'est vrai que la plupart des gens... on a vraiment... Ouais, la plupart des gens ils sont en flip, tu vois, les autostoppeurs, ils disent ouais, je vais me faire agresser, ils vont m'attaquer, ils vont me voler. Par contre, on s'est pas excusé, on est parti, on a rigolé, on en a oublié de s'excuser en fait. Oh ouais. Les pauvres. Ouais, c'est à dire parce qu'en plus les mecs étaient couverts de boue, c'est à dire qu'il est impossible qu'ils trouvent une autre voiture quoi. Non, franchement. Non, oh, c'est dégueulasse. Mais vous pouvez faire ça quand vous, si vous croisez Toff là, plaf, dans une flaque d'eau, n'hésitez pas. Bon, faut croiser hein. Ouais. Heureusement, il est arrivé à destination. Bon, c'est déjà ça aussi. C'est fini le match, hein, Brésil-Croatie, ouais, au fait. Là. 3-1, donc c'est terminé maintenant. Voilà. Bon, voilà. Et donc, merci à toi, en tout cas, d'avoir appelé Jessica. La dernière fois, je suis passée à l'antenne et j'ai oublié. Et là, ça me tient à cœur de le faire. Est-ce que c'est possible? De quoi? Tu disais quoi? De faire une petite dédicace. Oui, si tu veux, oui, bien sûr. Et vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Alors, je fais plein de gros bisous à mon petit que j'aime et à ma belle-sœur. Justement, qui est avec moi. Et ma petite Rouquette. Bon, une seule personne, Jessica. Est-ce que tu n'as pas compris dans une seule personne? C'est pas grave, Rouquette et ma. Ouais, elle répète en plus, à la cool. C'est pour être sûr. Ouais, c'est ça. Bon, Jessica, je te fais des bisous, je t'embrasse. Ciao. Allez, à bientôt, Jess. Il y a Jérémy avec nous maintenant. Salut Jérémy, il appelle d'où? De Puy-en-Velay, dans Haute-Loire. Salut Jérémy, comment ça va? Ouais, salut Mickaël. Eh ben tant mieux, écoute, bienvenue à toi Jérém. Bon alors, avant de faire le canular, on va parler avec toi bien entendu. On écoutera aussi comme promis le son d'Armin Van Buren avec Ping Pong. Et puis la bonne nouvelle également, c'est qu'on est au cœur de la nuit sans pub. Voilà, donc ça c'est mérité de le souligner quand même aussi. Qu'est-ce qui t'amène Jérém? Sois le bienvenu. Eh ben, je voudrais bien parler des soirées un peu entre étudiants qui finissent un petit peu éméchés, j'ai envie de dire. Ah, c'est-à-dire? Mais éméchés ou en partouze? Oui, c'est ça. C'est ouais. Pas pareil. Après, tu peux passer une soirée sympa. Et tu peux avoir du cul dans une soirée sans pour autant faire une partouze, Toff. Tu peux avoir du cul. Oui, c'est vrai. Hein, bah, tu peux faire une soirée qui se termine en cul sans pour autant faire une partouze. Ben oui, Christophe, voyons. Parce qu'il y a des soirées étudiantes, c'est pas forcément des soirées partouze. Il s'arrête, il comprend pas. Non, je comprends pas ce que tu essayes de dire. Tu dis soirée étudiante ou une soirée partouze? Oui. Bah, tu peux faire une soirée étudiante sans pour autant que ça termine en partouze. Ah bah oui, j'ai pas dit le contraire. Je vous passe un collègue, vous allez voir tout à l'heure, il dormait sur l'armoire, c'était vraiment impressionnant. De quoi? Ah oui, mais rien à voir avec le cul. Ah non, mais rien à voir, hein, mais c'était vraiment bourré. Hein, ouais, d'accord, là, ok. Oui, soirée étudiante bourrée, mais pas bourré cul, quoi. Mais c'est les pires. Ah non, mais pas bourré cul, non, mais... Ah, vraiment, c'est dommage. Ouais, moi, je suis déçu. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé dans ta soirée, là, raconte. Bah écoute, pour l'instant, hein, mes collègues sont bien bien chauds, là, ils sont en train de sortir, là. On va sortir en boîte, là, ça va être très chaud ce soir, là, on va essayer de draguer un peu, là. Ouais, c'est ta soirée étudiante, t'as même pas réussi à draguer, il va falloir draguer après, c'est sûr. Ah bah attends, là, il faut bien draguer entre minuit et 2h, là, c'est là où il y a le meilleur, là, franchement. On s'en rend pas bien compte, hein, parce qu'entre minuit et 2h chez nous, il y a Toff, Polo, il y a Sandro au standard, donc c'est un peu comme ça tous les soirs, donc on s'en rend pas bien compte que le meilleur est entre minuit et 2h. Ah bah attends, je vous passe Jonathan, un de mes collègues qui est vraiment bien bourré, qui est bien en forme, mais attendez, bougez pas. Vas-y, passe-le nous, ouais. En même temps, s'il est bourré, il pourra pas parler. Allô, Jonathan? Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bah tranquille. Bon alors comment se fait que t'arrêtes à pas pécho toi dans la soirée là? Bah j'ai pas pécho parce que je suis une putain de merde mon gars, hein. Je suis une putain de merde. Ouais parce que t'arrives pas c'est ça? Ouais, tu es mauvais. J'arrive pas parce que je suis une putain de merde mon gars. Trop d'alcool, t'as pas réussi à bander? Non j'ai pas réussi à bander parce que je suis pas plus une tête mon gars. Hein. Eh oui. Bah non t'es hors antenne, on fait de la radio mais juste entre nous. Bah, ça tombe bien alors. Parce que voilà, tu vois, on fait, parce que nous on a mis de la musique et nous on fait après, on fait une libre antenne, mais juste entre nous au téléphone. Ouais, mais fais attention quand même à ce que tu dis. Ouais, c'est ça, fais quand même attention. Si on démonte ta gueule. Fais quand même attention. Bon, t'as quand même prévu d'essayer de pêcher ce soir. Ouais, j'ai bien essayé, mais bon, on verra bien comment ça se tourne. Bah écoute, ouais, c'est clair. Bon, bah je te souhaite bonne chance en tout cas, Jonathan. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà fait des petites soirées étudiantes qui ont bien ou mal tourné. Tiens, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On va en parler. Balancez vos messages aussi avec par SMS notamment. Tapez Mickaël suivi de votre message au 64 900 ou avec le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Il y a Nadia qui dit ouais, on peut passer une belle soirée sans que cela tourne mal, entre guillemets, bien entendu. Ludo qui dit salut la team, c'est parti pour vous écouter au volant de mon camion. J'aimerais faire une dédicace au groupe Facebook RDR et la Night. Eh ben les messages sont passés du dos. Et Maxime qui dit en Italie on s'arrête croyant que ce sont des autostoppeuses. Il s'avère que en fait ce sont des prostituées. Ah oui, c'est dommage. En même temps, s'il lève le doigt comme tel et qu'après elle te dit ça fait 50 €. Évidemment, ouais, là tu te fais niquer. Hein. Ça, moi, ça m'est arrivé aussi. C'était en fait dans une rue, tu sais, où elles sont sur le trottoir. Et donc, tu sais, je vois une meuf entre deux voitures avec son parapluie. Il pleuvait super fort et tout. Je me dis, t'es, j'ai pitié de la meuf. Je lui dis, bah, en plus, t'es habillé en sexy vu que c'est. Bah, forcément, on va pas s'habiller en non. Hein. Voilà, et donc je lui fais signe, t'es, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était la mater pendant qu'elle passe devant ma voiture. Et puis, je vois la meuf qui vient frapper à mon carreau. Je lui fais, bon, qu'est-ce qu'elle veut? Donc, t'es, moi, je baisse le carreau en me disant, c'est bon, la soirée va être bonne. Puis elle m'a annoncé le prix, donc j'étais dégoûté. Ah, bah oui, c'est ça, tu m'étonnes. Bon, bah, bonne soirée à vous, en tout cas, Jérémy, je l'attends. Hein. Allô? Allô, je disais bonne soirée à vous en tout cas là, Jonathan et Jérémy là, sortez couvert. Hein. Eh ben écoute, on va bien profiter, il y a mes collègues là, il y a Karim aussi, ils sont bien en forme là. Très bien, bah amusez-vous bien tout cas, et soyez prudents. Tout à fait, de la soirée, Bourrasse, salut les gars, l'alcool, coule à flot. Merci Mickaël, c'est génial, on t'adore. C'est gentil, bah je vous embrasse, salut Jérémy, et puis bonne bourre à vous. Là. Allez, restez sur Fun Radio, dans un instant il y aura le canular, comme promis, ce sera, je sais pas encore avec lui, mais on va voir en tout cas, puis il y aura aussi Jamel qui est avec nous là, salut Jamel. Ouais, salut Mickaël, bonjour à tous. Ça va Jamel? Ouais, moi j'ai un problème pendant les vacances. Je suis parti avec un faux guide à Marrakech. Et ce qui m'est arrivé, j'avais de l'argent et tout, j'étais blindé, j'avais 300 € sur moi, ça fait 3000 dirhams, faut par 10 ans. Ouais. Donc j'étais blindé de thunes. Je rentre dans un bar, j'invite une meuf, elle vient, elle s'assoit à notre table et tout, sa copine s'assoit à notre table et tout. Je paye. Et dis-moi, t'es en train de lire la page le chapitre d'un bouquin ou quoi? On dirait que tu lis Jamel quand tu parles. On dirait que tu lis une page d'un bouquin. C'est marrant. Non. Bon bref, non, vas-y. Et Carole dit. Alors, je paye le mec qui négocie la meuf, moi je négocie la meuf. Pour 300, tout le monde négocie la meuf. Pour 300 dirhams, on a négocié la chambre d'hôtel. Ouais. On est parti à l'hôtel, je me mets à poil et tout, plus rien. Pas moyen de le niquer. Pourquoi? Mais panne sexuelle. Ah, t'as pas réussi à bander? Pas réussi à bander. Oh là là. Elle me l'a mis entre ses seins et tout, pas moyen. Ah ouais, branlette espagnole et tout. Putain, ça c'est un truc. Quand t'as un film de boule par exemple, c'est que je me demande parfois comment le mec peut. Bon, après c'est vrai parce que lui là, ça fait 14 fois qu'il nique la meuf, mais comment le mec peut ne pas bander quoi? C'est un truc que je me demande. Comment est-ce que tu peux avoir une panne? C'est un truc que ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas comprendre. Mais donc toi, ça t'est déjà arrivé du coup, Jamel, Polo, une panne sexuelle, t'as déjà eu de pas réussir à bander? Non, des fois c'est un peu mou. Ouais. Sinon non. Bah donc t'as, c'est ça. Mais non, c'est pas ça une panne. Une panne, ouais, c'est quand bon, tu bandes pas du tout. Oui d'accord, mais enfin même. Non mais je veux dire. Demi-molle, c'est pas. Mais non, mais il y a mou et mou. Il y a doux et doux et il y a mou et mou. Non, ouais. C'est pas mou mou mou. Et tof? C'est bizarre. Ça m'est déjà arrivé. Ah ouais. Mais bien bourré, il me faut des heures pour arriver à bander. Hein. Ah d'accord, ok. Toi. Alors, des heures quoi. Le truc c'est juste hyper chiant. Ah et oui, la meuf elle était dégoûtée. Hein. Bah ouais. Et toi Jamel? Et toi Jamel? Ouais. T'as déjà arrivé toi d'autres fois hormis celle-là? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Combien de fois? Ça m'est arrivé deux fois. Deux fois, ça va. Deux fois, ouais. Ça va encore. Et en plus, la première fois, la meuf, elle me dit rajoute 20 euros, tu me le mets dans le cul. J'ai rajouté 20 euros, je le mets dans le cul, pas moyen. Ah ouais, mais c'est une pute. D'accord, ok, j'avais oublié. Ah oui, j'avais oublié, ouais, c'est vrai. Ah oui, alors, justement, tu payes, il faut que ça monte. Ouais, mais du coup, enfin, je sais pas. Peut-être que moi, j'aurais du mal. C'est à cause de l'alcool ou quoi, à votre avis? Oui, si t'étais bourré, ouais. Si t'étais bourré, c'est possible. Moi, même bourré, ça m'est jamais arrivé, cela dit, mais. Ouais, j'étais bourré. Ouais, mais ouais. C'est ça, bien bourré, moi, direct, hein. Enfin, pas direct, mais clairement, ça monte pas. Ah, ça coûte de l'alcool. Ouais, c'est possible. J'ai pas de soucis à me faire, Et si ça t'est arrivé que deux fois, ça va, sauf si t'as couché que deux fois avec une meuf. Alors, à ce moment-là, évidemment. Jamel, on va vérifier. Non, Jamel, ça s'est bien passé avec d'autres meufs. Jamel, on va vérifier. Sors ton zboob et mets ton téléphone dessus. Voilà. Non, non, mais vas-y, on est médecins, par télépathie. Exactement, nous sommes de grands médecins. Non, je suis bien pourtant, ça va. Il la voit pas. J'ai d'autres relations sexuelles avec d'autres meufs. C'est une consultation passé, mais... gratuite. Non, mais il dit qu'il est bien pourtant, il la voit pas à la bite. C'est pour ça. Ah, si, je la vois. Ah, bon, ça va, me voilà rassuré alors. Mesure 18 cm. Ouais, là t'es bourré aussi là, non? Dis-moi. Non, je suis pas bourré. Non. Ah bon, non, mais... je suis bien avec vous. Ouais, tu t'es mis bien. Je suis en bonne compagnie, c'est bah ouais, quoi. Ça c'est sûr. Bon, reste avec nous, Jamel, deux secondes là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vous aussi? Tiens, on parle de tout ça ce soir, n'hésitez pas. Des petites pannes là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Un message qui est arrivé de Lydia d'Épinal. Salut l'équipe, Mickaël, viens me voir pour ma position préférée, tu verras par toi-même. Oui, bah écoute, c'est gentil pour la proposition. Position, Lydia. Alona aussi avec le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Vous êtes les meilleurs quand même pour offrir un tel cadeau, c'est ouf. Bah écoute, en tout cas ça fait plaisir à ceux qui sont fans de foot. Rassurez-vous, pour les filles, il y aura d'autres cadeaux pour vous la semaine prochaine, hein, vous inquiétez pas. Et Mickaël également, scroll numéro pour envoyer le texto. Alors c'est facile. Donc alors je répète déjà toute la question. Si vous voulez gagner votre pack, le pack mondial 2014, attention, il vous reste 25 minutes pour participer. Surtout à cette heure-ci, vous avez évidemment un boulevard devant vous puisqu'il y a évidemment moins de monde qu'en pleine journée, ça tombe sous le sens. Si vous voulez gagner votre pack mondial 2014 qui comprend le maillot de foot au choix de l'équipe au choix, tant que c'est une équipe qui participe au mondial 2014 évidemment, donc vous pouvez choisir la France, le Portugal, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine, etc. N'hésitez pas, vous gagnez donc le maillot au choix, le ballon de foot et la paire de Nike. Qui va bien, paire de Nike bien entendu, paire de Nike de foot bien sûr. Et vous pouvez d'ailleurs voir tout ce qu'on vous offre sur le Facebook, je vous ai mis la photo, sur le Twitter également. Et pour gagner, il faut répondre à cette question. Combien d'étoiles y a-t-il sur le maillot du Brésil? Voilà, si vous avez la bonne réponse, eh bien à vous de jouer, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre réponse et vous laissez votre numéro de téléphone dans le message. Vous envoyez le tout au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique et tirage au sort dans 25 minutes. On verra donc lequel repartira avec... le maillot, enfin le pack complet qui vaut 450 €. Eh oui, attention. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Vous envoyez Mickaël à la réponse. Et je vous souhaite bonne chance. On s'écoute comme promis. Avant de faire le canular, ce sera avec Richard dans quelques minutes. On se fait le son d'Armin Van Buren maintenant sur Fun Radio. On aura également les teubés de la télé qui vont suivre. C'est Mickaël No Limit. Bienvenue si vous arrivez. On est là tous les soirs de 23h à 2h du mat. Et tous les dimanches également de 20h à minuit. Passez le message autour de vous. Je vous souhaite une bonne soirée sur Fun Radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, et restez bien là puisque dans quelques minutes je vous cale le son David Guetta sur Fun Radio que vous avez découvert ici, Blast Off. Il y aura aussi Gilo avec First Love. Et si vous voulez écouter du son, comme d'hab, hashtag M-I-K-L of des maillots de foot sur Fun. Et puis bah vous n'hésitez pas, on parlera aussi des petites pannes sexuelles. Il y en a eu une avec Jamel là, il y aura Sandrine dans quelques minutes de Bordeaux qui va nous raconter sa petite histoire. Et puis bah vous aussi, si vous avez déjà eu des petites pannes, si votre copain a déjà eu des pannes, vous avez eu envie mais finalement rien ne montait, eh bah appelez-nous pour qu'on en parle. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez envoyer évidemment vos messages pour qu'on puisse les lire en direct. Vous envoyez M-I-K-L et votre message au 64 900 par SMS. Bon, alors on va se faire un petit point teubé de la télé là, hein. Ça me paraît un petit important là. Et c'est l'amour entre une mère et son fils, version grand frère. Et ça donne ça. Dégage. Non, je dégage pas. C'est facile de arrête, dégager. Arrête, non, Antoine. Mais non, mais je te connais. Stop là. Mais oui, et voilà. Arrête d'insister. À chaque fois, je te rentre dedans, après tu pleures. Ben oui, je vais pleurer. Ah, mais oui, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que t'as vu comment je suis pas. Arrête, je m'en bats les couilles. Très sympathique, hein. Ah, adorable. Bonne ambiance. Ah, vraiment super agréable et tout, c'était au top. Bon, si on vous demande une fée, vous pensez à qui en premier? La fée Clochette. La fée Clochette. Quelle ouais. fée est tatouée dans le dos de la chanteuse Alizée? Une pastèque. Stop. Oui, une pastèque. La voilà. fée pastèque. Et Pitof, j'ai un petit message pour toi. Pour moi, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui ont la classe et ceux qui ont la crasse. Et moi, j'ai la classe. Voilà, donc sous-entendu, toi t'as la crasse. Ah d'accord. Voilà, chacun Merci. Sa place. Chacun sa place. Il y aura d'autres appels malveillants dans 20 minutes sur Fun Radio. Et puis on va se faire maintenant on va accueillir Richard pour faire le canular. Pardon. Salut Richard. Salut. Comment Salut. Ça va? Bah ça va très bien. Eh ben tant mieux alors. Bon Richard, t'appelles de Corbeil-Essonne dans le 91, c'est ça? Oui. Très bien. Moi, je suis dans un foyer. De quoi? Je suis dans un foyer. Ah oui, ok, d'accord. Très bien. Bon, on va faire un petit canular là maintenant, on va appeler qui? On va appeler ma mère. On va appeler ta mère, d'accord, très bien. Et on va lui faire croire quoi, ta mère? Bah en fait, c'est, je sais pas quoi, en fait, que, voilà, que la, un veilleur de nuit, en fait, m'a chopé avec un pote de mon foyer. Ouais. En train de fumer, avec, en train de fumer du shit. D'accord. Et voilà, ce serait pour, juste pour lui faire peur, enfin. Ok, d'accord. Comment elle s'appelle ta mère? Chantal. Chantal, d'accord, ok. Bah écoute, on va lui faire croire, on va lui faire croire, qu'est-ce qu'on va lui faire croire? Donc voilà, comme t'avais dit, on va lui faire croire donc que t'étais dans un, enfin qu'on est tous les deux dans ta chambre, voilà, qu'on dort à deux, tu vois, je suis un pote à toi, Michel évidemment, hein, super gentil, à la cool, etc. Et donc en gros, bah j'ai ramené du shit. Il y a le surveillant, il y a le pion qui rentrait sans prévenir pour un petit contrôle. Il y avait le shit et bah moi j'ai mis sur ta gueule, j'ai dit que c'était à toi, etc. Le pion évidemment qui est quand même une merde. Une raclure a décidé de fermer sa gueule à condition qu'on lui file un peu d'oseille, oseille qu'on a évidemment pas, et donc on va demander à ta mère de bah, nous avancer les fonds quoi. Okay. Bon, on pas fait ça comme mec. Ça. Non, pas trop, ouais. Bon, on va demander 100 ou 200 euros. Ouais. Ouais, voilà, vraiment. On va plutôt faire ça comme ça. Bon, bah très bien, on y va. Sois bon, hein, sois bon. Je rappelle qu'il y a les haut-parleurs Bluetooth à gagner là si tu es bon. Donc je compte sur toi, d'accord? Ok, là, pas de problème. Bon, allez, bah c'est parti, on y va, on l'appelle. C'est comment? C'est Chantal qu'on appelle maintenant. Allez, oui. Hop, sois bon pour le canular, là, on y va. Et ça ne sonne pas. Ah, voilà. Allez, vas-y. Et nous, on est derrière, t'inquiète. Allô? Allô, maman? Oui, Richard. Ouais, j'ai un gros problème, là. Quoi? C'est parce que là en fait l'un du campus voilà qui m'a changé en train de fumer du shit dans ma chambre en fait là. Ah bon? Donc là je sais pas quoi faire là, je suis en panique là. T'es en panique? Ouais, il est juste derrière la porte, je sais pas quoi faire là. Vas-y, magne-toi, demande-le directement là, on perd pas de temps sinon ça va être mal, c'est le bordel. Et bon, et oui. L'éducateur il est d'accord de se taire si par exemple il peut nous passer 100 pour 200 euros comme maximum. Quoi? Qui demande ça? Vas-y, comme ça il dira rien, sinon on va être dans la merde là, je te le dis direct. Hein. Ouais. Hein? Qu'est-ce que comme éducateur? Eh, si c'est possible je sais là, pas, parce c'est que. Un nouvel éducateur. Attends, si tu veux, attends, va guetter là, regarde s'il est là, passe-moi ta mère, je vais la convaincre, t'inquiète. J'ai l'habitude avec les darons. Oh c'est qui là, qui fait comme ça là? Eh, vérifie bon, bien, on Richard. On passe hein, pour mes chemins, allô? On regarde pas les pieds. Allô? Allô? Ouais, c'est Michel, bonsoir maman. Bonsoir. Eh, dites-moi, je voulais savoir, c'est possible parce que j'avais ramené un peu de shit dans la chambre là, et donc du coup, il y a l'éducateur là qui est passé, et il a dit qu'il allait revenir, et donc il nous a fait comprendre que si on lui donnait un peu d'oseille, il pourrait la fermer, vous voyez, donc nous on voulait savoir. Je dis simplement qu'il était d'accord qu'il allait se taire si on lui donnait un peu d'argent, et comme nous on en a pas, du coup, j'ai demandé si sa mère, j'ai demandé à Richard si sa mère pouvait nous prêter un peu, quoi. Et il a dit ouais, ok. Là, tu peux pas, là, j'ai rien du tout, là. J'ai plus mes factures, j'ai plus rien, là. Et Richard, faut pas que tu danses avec l'éducateur, parce que là, c'est moi qui vais prendre les répliques. Ah bah oui, mais bon, donc tu pourrais pas nous aider un petit peu, là? Non. Parce qu'on partage la chambre, voilà, attendez. Non. Merde, il est là. Eh, Richard! Attends, il y a personne. Bah attends, tiens la porte, tiens la porte. Ouais, attends, tiens la c'est porte. Comment mettez-vous au poignet? Allô? Allô? Ouais, c'est qui là? Je suis le cousin Richard, je voudrais juste savoir c'est qui là, au téléphone. Ouais, c'est Michel. C'est Michel, oui. Je suis un pote de Richard. Et on a eu, bah, comme j'ai expliqué à ta tante, je crois, du coup, que on avait ramené un truc dans la chambre et tout, puis on était tombé sur l'éducateur, et donc il était d'accord de pas balancer, mais il fallait lui donner un peu d'argent. Alors du coup, nous on a appelé alors, avec Richard, on l'a vu quoi. Écoute-moi. Ouais. Eh, c'est bon pour l'argent. Il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien du tout. Non, juste un peu pour nous sauver. Non, mais pour sauver la mise. Au maximum. Écoute. Un petit peu quoi. Écoute. Ouais. Écoute. J'écoute. J'ai rien du tout. Je ramènerai rien du tout. Non, juste un peu. Eh, mon cousin, vous ne mettez pas dans vos problèmes. Mais non, mais on était dans la même chambre. Attendez, parce qu'il y a l'éducateur qui est là. Mais j'en ai rien à foutre. Eh, j'en ai rien à foutre de l'éducateur, soit là. Non, c'est bon, il y a personne. Putain, Richard, merde, il nous a vu là. Ouais, on fait quoi alors? On fait quoi? Je vais prévenir la police là. Non, c'est bon. On fait quoi là? Ouvre la porte, on va pas rester dedans. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Ouais, bon, c'est bon, bonsoir. Ouais, vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est me carotter de me la faire à l'envers, là. Non, non, c'est bon, mais on est en train de gérer avec la mère de Richard, là, elle est d'accord pour les. Pas d'embrouille, hein, les gars, ici. Bon, 50 euros, 50 euros. 50 euros, vous m'avez pris pour qui Non, 50, allez, 60, 60. 60 60. Vous croyez que je suis un jeune crevard ou quoi? Plus ça va, 60 euros, c'est rigolo, non? Eh, 60 euros, c'est clean, hein. Ouais, bah, quand? Quand, bah, quand est-ce que le cousin, il peut nous apporter 50, 60 euros ou pas? Ouais, je pense à la possibilité. Eh, 60. Y'a rien du tout, y'a rien du tout. Moi, allez, 60. Moi, je suis pas la Banque de France. Non mais c'est pas la Banque de France, non mais 60 euros. Oh les gars, vous arrangez ou... Attends, monsieur, attends. Mon cousin, il arrive un problème, je viens, je débarque, je vous éclate tous. Mais non mais ça sert à rien, ça sert à rien, là pour 60 euros on peut sortir des problèmes. 60 euros, c'est quoi? Ça fait rien 60 euros, non? Ou alors à la limite, file-moi 20, je fais un... si je fais un jeu à gratter avec un peu de bol... Tu donnes 20, tu fais 60. Mais si je joue avec un jeu à gratter, je peux peut-être gagner le triple. Peux peut-être gagner, moi je peux rien avoir. Mais si. Ça marche pas vos affaires, là. Le cousin, c'est d'accord alors pour les 60? Bah, allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah, c'est quelqu'un d'autre encore? Ouais, c'est encore quelqu'un d'autre. Ah, c'est qui, là? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Et c'est qui, là, au téléphone? Je suis quelqu'un qui peut régler la situation. Ah, parfait. On a le négociateur. C'est bon, négocie vite. Bon, alors bonsoir, je m'appelle Michel, moi je suis avec Richard bon, on avait ramené un truc dans la chambre, puis après il y a un mec qui est arrivé, un pion quoi, il a regardé et il voulait nous balancer directement chez le directeur, sauf si on lui donnait un peu d'argent. J'ai déjà réussi à passer de 200 euros à 60, donc ça c'est plutôt bien, mais par contre on n'a pas les 60 euros non plus, donc j'avais demandé au cousin s'il pouvait nous prêter un peu là, parce que là il y a Richard, il est là et bon bah on sait pas, on n'a pas l'argent quoi. Ok, bah j'arrive tout de suite alors. Bah vous arrivez où? Bah là où vous êtes. Non mais vous pouvez pas faire un virement directement chez le pion? Ah non, je viens, je te donne les 60 euros dans tes mains. 60 euros sûr, hein? Attendez, je vous passe le pion quand même. C'est bon, on a trouvé la solution, hein? On a trouvé la solution, bah tenez, je vous le passe là. C'est le, bah je sais pas, j'avais le cousin là, je sais plus qui c'est là. Ouais, allô, c'est qui? Oui, bonjour, déjà tu me salues même pas, tu me dis allô, c'est qui? C'est quoi cette agression? On va se calmer tout de suite, hein. Moi les deux pecnos là, ils essayent de me faire croire qu'il y a de l'argent, qu'il y a machin. Donc tu me dis s'il y a de l'argent ou s'il y en a pas et si on s'arrête là tout de suite. Non mais il a dit que c'était d'accord, il a dit que c'était ok. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de plus sensé. Vous êtes l'éducateur. Ouais, moi je suis l'éducateur, ouais. D'accord, enfin quelqu'un de sensé. Non mais il est d'accord. Mais pourquoi il braille comme ça? On peut discuter sans qu'il braille, lui là à côté. Non mais ils sont un peu énervés là. Non mais je suis pas énervé, je suis content là, sérieux. Écoute, je suis pas énervé là. Bon, tais-toi. Oh, va. Bon, je les ai calmés. Allô. Bon, on est entre nous. Ok. Apparemment, les gars là, ils ont fait un truc qui est en train d'impliquer le cousin de mon ami là. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir que on donnera pas une pépette parce que le petit, il a rien à voir dans leur histoire. Et là, c'est pas vrai. C'est lui qui a ramené le chien. Bon, alors, bon, en fait, moi, je veux pas de problème avec personne. Moi, on me donne l'argent, j'oublie tout, j'ai rien vu. Mais quel argent? Bah, je sais pas, moi, ils m'ont promis de l'argent, les deux, là. Maintenant, moi, je le veux, l'argent. Bah, donc, tu vois ça avec eux, il est où le problème? Bah, eux, ils me passent le téléphone en me disant de voir avec vous. Ouais, il a dit qu'il allait payer. Voilà, le petit il dit que vous allez payer. Regarde, on va faire court. Tu sais quoi? Appelle les flics. Je sais pas ce que t'as trouvé, mais appelle les flics. Non, pas les flics. Monsieur, non, allez, je suis pas dans la merde. J'appelle les flics, allez, moi j'y vais, on arrête les conneries là, je vous le passe. Allez, hop. Non, faut pas. Allô monsieur, il faut pas laisser appeler les flics, on va être dans la merde avec Richard. Non, on verra ça. Richard, il aura de quoi se défendre. Il y a pas de problème. Ben non. Il y a pas de problème. Et comment ça se fait que Richard, il vient pas voir sa mère si vraiment il est dans la merde? Mais parce que là, on était directement avec le pion, on n'avait pas le temps. Et comme c'est lui qui a ramené, enfin c'est ce que j'ai dit en tout cas. Écoute, s'il y a bien quelqu'un qui est bien placé pour demander de l'argent à sa mère, c'est bien Richard, non? Ah bah je sais pas moi. On a demandé, on est tombé sur le cousin, il voulait pas. Et puis vous avez dit d'accord. Et en plus, vous avez pas de parole, vous avez dit d'accord. Non, j'étais en train de me foutre de ta gueule, c'est bon. Oh bah d'accord. T'as entendu? Ah bah non, mais ça se fait pas, hein. Mais si ça se fait, t'es en train de me foutre de ta gueule, tout comme t'es en train de te foutre de notre gueule depuis tout à l'heure. Bah pourquoi vous dites ça? Depuis tout à l'heure, t'es en train de te foutre de notre gueule, tu me prends pour des cons, quoi. Je te dis, je vais venir, je vais te donner l'oseille, tu me parles de quoi? Maintenant, on veut plus donner rien du tout, on va appeler les flics et Ah bah non. Ou alors, tu te démerdes et tu vas chercher tes 60 euros, tu lui donnes. Mais je les ai pas. Bah donc on appelle les flics, tu dis à ce mec là, le gars qui a déranger la police pour si peu. Bah donc ils ont beaucoup. Mais non, mais ils ont beaucoup de travail. On va pas les déranger pour ça. Arrête d'emmerder ton monde, tonton. Franchement, écoute-moi, je sais pas qui tu es. Je m'appelle Michel. Mais là, tu t'appelles Michel. Non, Michel. Michel, on peut être amené à se rencontrer à tout moment, Michel. Mais n'énerve pas plus que ça, t'es en train de te foutre de ma gueule. Alors mais non, moi, mais je veux simplement récupérer 60 euros, là. Tu m'en bats les couilles de tes 60 euros. Soit, tu veux pas qu'on appelle les flics. Mais on va pas les déranger pour si peu. Voilà, bah donc si tu veux pas les déranger pour si peu, tu lui donnes tes 60 balles. Tu te démerdes. Personne te les donnera, mon gars. Vous êtes pas... Maintenant, si tu rappelles, écoute-moi bien. Si tu rappelles et si tu fais chier Richard, là, ça va être les flics directement. Ah, mais on va pas les déranger pour si peu. Donc, on s'est compris. Bon, mais on s'est compris. On s'est compris ou pas? Oui, monsieur. Merci. Bonne soirée. Non, mais attendez, attendez. Oui. Allô. Attendez, c'est pas fini. Eh, Richard, il est pas très, ouvert. Hein, bon, je sais pas si c'est le beau-père, monsieur. Je vous écoute. Bon, non, mais en fait, il y a pas de problème. C'est juste Richard qui voulait faire une vanne à sa mère. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Ouais. Voilà, rien de grave. Ah dis donc, la négociation, alors vous êtes le beau-père hein, si j'ai bien compris. Allô? Oui, allô, c'est qui? C'est la maman là, c'est qui? Allô? C'est la maman qui est de retour? Hein? Est-ce que c'est la maman qui est de retour? Allô? Oui, c'est la maman? Oui. Ah bon, très bien, c'est qui que j'ai eu là? C'est le beau-père? Oui. Ils s'applaudissent. Bon, Richard? Oui. Bon allez, dis à ta mère, c'était des conneries là. Eh non, enfoiré. En fait, c'était faux en fait. Bande d'enfoiré, c'est faux. Laisse la daronne, elle est sous émotion là. Ouais, bah oui, je comprends. Bon. Non, on va la calmer, t'inquiète, on va la calmer. Par contre, la négociation est dure avec toi. Hein. Ah grave, t'as vu ça? Ah là, ça négocie difficilement. Hein. Non, j'avoue. Très très dur la négo. Bon, du coup Richard. Quand on est honnête, on a rien à se cacher, tu vois. Non, c'est bien. Bon, du coup, il y a le haut-parleur Bluetooth qu'on va filer. Bon, on va le filer à vous. Bah, c'est quoi votre prénom du coup? Moi, c'est Guy. C'est Guy, bah voilà, tiens. Le Richard. Oui. On va filer le haut-parleur Bluetooth à Guy du coup, hein, celui qui a fait tout le boulot. Hein. Ouais. Tu t'arrangeras avec lui alors du coup. Elle est morte, elle dit ça. Bon, ça roule. Bon, bah merci d'avoir appelé en tout cas la famille. Salut à vous. Hein. Ouais, c'est cool, ciao. Bon, et si vous voulez faire un petit canular, n'hésitez pas. J'ai vu des messages qui parlaient tout à l'heure en disant ouais, c'est celui de la semaine dernière. Non, c'est vrai que c'est le même thème, l'auditeur. Et pour le coup, là, Richard s'est basé sur celui de la semaine dernière où on a fait croire à la mère qu'il y avait du shit, etc. Mais bon, pour le coup, c'est à nouveau. Il y a Valo qui dit toute la famille passe au téléphone. Là, pas mal du tout ce canular quand même. Mister Steven, très bon le canular. Il y a Chouchita qui dit pété de rire le canular. Je croyais qu'il allait le démasquer quand il a dit son vrai prénom. Bah, il me faisait peur, hein. Bah, oui. Ouais. Ah, ouais, putain. Non, il était flippant. Quand il dit on s'est mis d'accord. On est d'accord. Oui, monsieur. D'accord, ok, oui, monsieur, bien sûr. Benjamin qui dit mort de rire, j'en peux plus. Jeune Françoise aussi, le quelqu'un qui peut régler les situations fait un peu peur. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus il avait une voix de mec qui tue dans les films. Ouais. Je sais pas, c'est maintenant, toi. Je suis là pour régler les affaires, régler les histoires. Il avait un petit côté. Sarah Connor. Exactement, c'est un petit. D'accord. Et Fred S34 qui dit sympa les petits canulars, j'adore. Il y a Romès aussi, Roms plutôt trop fort, supplié de rire. Et Nadia Michel, très aimable, un racketteur, comme d'habitude. Et Mister Steven, Michel gère bien. Oui, bon, il a l'habitude. Benjamin aussi, Michel et Richard qui vont bien ensemble. Benjamin aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est super gênant la panne. Bon, on va en parler dans quelques minutes si vous avez déjà eu des petites pannes sexuelles. Et attention, 5 minutes. Dans 5 minutes, on donne on appelle déjà le gagnant ou la gagnante du pack mondial 2014. Il ou elle repartira avec le pack complet. Le pack complet, ça comprend un maillot de foot, équipe au choix. Uniquement ceux qui font partie de la Coupe du Monde, évidemment. Hein. Donc si vous voulez choisir n'importe quel pays, France, Portugal, Brésil, Suisse, Argentine, États-Unis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Espagne, évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, je sais pas moi, l'Angleterre, l'Italie, l'Algérie, etc., etc. Bref, tous ceux qui sont au Mondial 2014, vous pourrez choisir le maillot si vous voulez. Donc je vous offre le pack Mondial 2014 avec le maillot, le ballon de foot officiel et les chaussures de foot, les Nike qu'on vous offre. Donc ça vaut 450 euros. au total. Et je vous pose une question pour gagner. Bah oui, on va pas vous filer ça comme ça. Faut juste répondre à une petite question qui est pas non plus la plus compliquée. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot de foot brésilien? Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez MIKL suivi de la réponse au 64900 par SMS ou au 6322 depuis la Belgique. Il y a un message qui dit Mickaël, une étoile. Ah non, ça c'est la France, entre autres. Mais la France a une étoile. 3 étoiles, c'est pas la bonne réponse. 26 étoiles. Oui, c'est le une constellation. Non, mais surtout que c'est la 20e Coupe du Monde, donc ils ne peuvent pas. Ah si, peut-être que si vous allez en Tunisie, vous allez peut-être voir des maillots brésiliens, c'est des faux. Avec 26 avec étoiles. Avec Nike, Puma, Adidas, Reebok. Toutes les marques d'un coup, c'est ça. Ouais. 0 étoile. Bah non, parce que le nombre d'étoiles, c'est le nombre de fois où ils ont gagné la Coupe du Monde et ils l'ont déjà gagné. Ils l'ont déjà gagné quelques fois, exactement. On proposait 6 étoiles. Non, c'est pas la bonne réponse non plus. Voilà, allez, bonne chance tout le monde. On donne la réponse dans quelques minutes. Là, le temps d'écouter le son de David Guetta avec Blast Off. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Eh ben, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64900 par SMS. Et si vous êtes en Belgique, vous envoyez ça au 6322. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une réponse qui est arrivée? Oui, mais il est drôle. Ah, vas-y, combien? Non, mais il faut lire en entier. Ah, mais j'ai pas le message. C'est, donc c'est Mafalda qui dit: le Brésil a 3 étoiles, je veux le maillot s'il te plaît, parce que je suis à fond sur le foot. Ah oui, bah tu l'es pas vraiment Mafalda, sinon tu saurais qu'il y a pas 3 étoiles hein, sur le maillot du Brésil. Mais bon, essaye encore, tu sais pas. En plus là, à minuit 30, je peux vous dire qu'il y a effectivement moins de monde qu'à 23 ans. Donc si vous voulez jouer, vous avez toutes vos chances d'être tiré au sort. Et Mickaël est la réponse au 64900. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Je vous souhaite bonne chance justement. On appelle juste après David Guetta avec Blast Off. On fera également les appels malveillants. On va prendre Aude qui veut un conseil pour le rencard, Adeline, Ludivine et Sandrine, et Jamel bien sûr pour parler des problèmes d'érection. Tout un programme, c'est cool. Ça arrive juste après David Guetta sur Fun. Et voilà un son que vous avez découvert sur Fun, David Guetta. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 23h à 2h sur Fun Radio. Eh ben il est minuit 30. Et avant de faire les appels malveillants, qu'on fait à minuit 30 aussi d'habitude évidemment, on va d'abord appeler le ou la gagnante du football. Celui ou celle qui va repartir avec le pack complet, le maillot de foot au choix bien sûr, et qui va repartir aussi hein, forcément. Pardon, je suis en train de mourir. Qui va repartir également aussi avec le ballon de foot et avec la paire de pompes qui déchire tout. Attention, on y va. C'est offert avec ProDirect, hein, ProDirectSoccer.com si vous voulez aller où tu l'achètes, si vous voulez pas gagner ce soir. On y va, on appelle, c'est parti. Encore faut-il que ça décroche évidemment. Hein. Allez, ça décroche pas, on appellera un autre, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Le maillot au choix, la paire de Nike. Allô. Allô, oh, bonjour. Allô. Comment tu t'appelles? Alexandre. Salut Alexandre, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Tu sais pourquoi je t'appelle? Oui, bah, je t'entends d'écouter. Ah bah tant mieux, écoute, parfait. T'écoutes depuis 23h ou pas? Non, j'ai fait une pause entre temps. Ah t'as fait une pause? Bah bravo. T'as fait une pause pour quoi? Bah finir le match. Ah oui, pour finir le match. Alors qu'on commentait le match là, putain. Ah là, je te jure. Bon, c'est pas grave. On y va. Tu vas peut-être repartir avec le maillot au choix. Tu choisirais quel maillot si tu gagnes? La France. La France, évidemment. Une paire de Nike Mercurial Superfly, c'est la paire de Nike de la Coupe du Monde. Hein. Et le ballon officiel, bien entendu. Attention, combien d'étoiles y a-t-il sur le maillot de foot du Brésil? C'est trop dur, là. Je crois qu'il y a très, très dur. Fais pas le malin, parce que tu dis c'est trop dur, mais il y a quand même pas beaucoup qui ont donné une mauvaise réponse. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit 4, il y en a qui ont dit 8, il y en a qui ont dit combien, 26. Et 26. Ouais. Non, mais une, à la limite, c'est possible. Tu vois, tu peux avoir une étoile. Oui, mais 26, c'est impossible, puisqu'il n'y a eu que 20 Coupes du Monde. Enfin, c'est la 20e actuellement, donc techniquement, aucun pays ne pourra avoir plus de 19 dans l'absolu. Bon, alors... Si le Paris Saint-Germain en a 50. Ah oui, ouais. Oui, mais c'est normal. C'est parce qu'il les achète, c'est pas pareil. Voilà. Bon, allez, vas-y, fais péter. Combien y a-t-il d'étoiles sur le maillot du Brésil? Allez, 5. Eh oui! Eh ben voilà! Le maillot est pour toi, le pack est complet pour toi avec, comme je le disais, le maillot de foot au choix, en l'occurrence t'as pris la France. Il y a également la paire de pompes Nike, la Mercurial Superfly et le ballon officiel mondial 2014. Et ben voilà, très bon plan ça, impeccable, eh ben, félicitations, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et on dit merci qui? Merci Fun Radio. Ah très bien, je vais bien nous filer. Mais... ouais ben ta gueule. Bon salut à toi, en tout cas tu restes au standard, on prend tes coordonnées, ok? Ok. Alors, parfait. Je crois en revanche que tu auras le maillot après le mondial. Pourquoi? Parce que si jamais la France gagne, ce serait con que tu reçoives le maillot avec une étoile. Ouais, c'est pas mal. Hein, tant qu'à faire, autant attendre pour voir ce qui, tu sais, qu'on mette la deuxième au cas où, tu vois. Enfin bon, après, c'est comme tu veux, mais ce serait con d'avoir, de recevoir un maillot qui est périmé, quoi, tu vois. Ah non, oui. Mais pas de soucis. Bah voilà. Bon, bah salut, salut à toi et bon week-end. Et puis, bah, bon mondial. Bon, un petit pronostic qui va gagner la Coupe du Monde, là, t'as une idée? Paris. Bah, Paris, c'est ça. Ouais, Paris, Paris. Ouais, t'as raison. Forcément. Non, non, allez, à ton avis, qui va gagner? T'as une idée ou pas? L'Espagne. Encore? Bah non, c'est ouais. Bon qu'il ait sa place. C'est le Brésil ou la France, pas possible autrement. Non, Portugal. Ah oui, voilà, ça, c'est la vérité. Non, non, mais c'est bon, les Espagnols, ils laissent leur place. C'est bon, à un moment, ça va. C'est vrai. Ils vont pas la gagner, c'est sûr. Non, il y a un moment, je pense qu'il y a un moment, faut partir. Toff, il fait ses prédictions là. Oui, exactement. Oui, c'est tout à fait. Oui, en maramerde. En grand maramerde. En tant que grand maramerde. Moi, je vois. Calme-toi, vas-y, respire. Respire. Moi, je vois bien la Suisse. Oui, parfait. Oh, ils ont battu l'Espagne la fois passée. Hein, mais bon. Bon, on verra en tout cas. On appellera notre ami Doudou également, le marabout là, pour voir un peu ce qu'il en pense. Bon, salut à toi en tout cas. Passe un bon week-end. À bientôt. Hein. Allez, à vous aussi. Salut, ciao. Bon, pour les fans de foot et les fans de maillot, attention, parce que ça peut être super sexy sur une fille aussi, un maillot. Hein. Bah, ouais. Il faut voir lequel, il faut voir la coupe et il faut voir la fille. Parce que si une meuf est complètement nue avec juste le t-shirt, enfin, juste le maillot, le haut qui pend. Non, là, qui est un petit peu un peu trop petit pour le mec, mais tu sais, qui fait passer toutes les formes pour la meuf, je peux te dire que ça peut être plus que sympa. Et Toff adore les filles avec des crampons parce qu'elles lui mettent des coups dans les couilles. Ah, j'adore. Il préfère les caterpillars, lui. Ouais. Ouais, j'adore me faire maltraiter par les filles. Bien entendu. Les chaussures de foot américaines. Ouais, ça c'est bien. Non, c'est yuck. Voilà. Donc voilà, donc il y en a pour tout le monde. Hein. Si vous n'êtes pas fan de foot, vous pouvez quand même faire plaisir à votre mec, ne fût-ce qu'en le mettant, quoi. Voilà, comme ça, hop, vous êtes tranquille. Bon, on en remettra en jeu dimanche soir à partir de 20h avec le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Il y a Benjamin qui dit moi c'est le missionnaire, bien que simple et basique, ça reste ma position préférée. Oui, pourquoi pas. On en parlait puisque c'est l'appel malveillant de Top justement. D'ailleurs, on va en refaire un petit maintenant. Hein. Quelle est la position préférée des femmes puisque visiblement c'est la position comment ça s'appelait encore? C'était pas le missionnaire. C'est le coït aligné. Le coït aligné. Donc c'est comme le missionnaire, mais la fille a les jambes sur les épaules du mec. Ouais. Voilà. Donc il faut qu'elle soit un petit peu souple quand même. Donc on appelle depuis tout à l'heure afin de voir si les gens ont une position sexuelle qui les fait monter au sommet plus rapidement grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Toff tous les soirs, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti, et on récupérera Adeline, Ludivine et Sandrine juste après comme promis. C'est parti. Allons-y. Ça sonne, minuit 35. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit. Et c'est toujours la nuit sans pub évidemment. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle position votre femme prend le plus de plaisir. Hein? Dans quelle position votre femme prend le plus de plaisir, monsieur? Et qu'est-ce que tu veux, toi, t'es qui? On se connaît? Non, je crois pas, monsieur, qu'on se connaisse. Non, tu crois pas? Bah, tu vas niquer ta mère correctement, et puis tu vas éviter de me casser les couilles déjà, tu vois, déjà que je suis pas en forme. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Je comprends pas. Pourquoi vous me dites ça? Mais tu vois, mon gars, je suis en face de moi, je te mettrai une fin dans ta gueule, moi, tu vas voir. Mais monsieur, ça se fait, enfin, on dit pas des choses comme ça aux gens. Enfin, c'est. Et... Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts, bah, moi, je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Bah non monsieur, enfin c'est pas gentil. Ouais, tu la vois la serpette enculée de ta race, bah moi je vais la prendre, je te la foutre au niveau de la glotte là. Mais... Je vais te l'arracher sale bâtard, tu vas voir. Mais enfin monsieur, c'est très violent tout ça. Mais vas-y, arrête avec ton air de pédale, mais t'as vraiment une voix de baltringue en vrai toi. Oh non monsieur. Et toi, ferme ta gueule bâtard, ferme ta gueule, moi j'ai même pas envie de te parler à la sortie là. Moi je vais te prendre, je vais te crever ta race enculée, va, tu vas voir. Je te jure, tu vas me sucer les boules mon gars, mais tu vas tellement les gober. Mais alors bon, tellement aller loin dans ta bouche mon gars, tu vas voir. Oh non monsieur. Ouais, oh non, mais tu vas voir, moi je vais t'ouvrir le crâne, bâtard, je vais te chier dedans, je vais le refermer, tu vas me sucer la bite, je vais te faire une grande faciale. Je pense que j'imagine même pas la gueule que tu dois avoir, espèce de puceau, pour poser des questions comme ça. D'accord, très bien monsieur. Bah, si t'en manques de bite ou de chat, hein, il faut le dire mon petit. Hein. D'accord, et ben on va souhaiter une bonne soirée monsieur. Ah bah d'accord, vas-y, à plus bâtard. Quelle violence. Gratuit, hein. Le crâne, je vais chier dedans, je vais refermer, tu vas me sucer la bite. Et je vais t'éjaculer dans la gueule ou je sais pas quoi ce qu'il a dit là. Oh là là. Putain, il est ouf lui. Quelle violence. Il y a Sarah Zbati qui dit si l'Italie gagne la Coupe du Monde, je serai la plus heureuse. Et Quentin qui dit moi je suis pour l'Allemagne, pour le Brésil ou pour l'Espagne. Et ben moi pour aucun des trois, Quentin, voilà. Hop là, comme ça c'est dit. Bon, on va récupérer, comme promis, Sandrine avec nous de Bordeaux là. Salut la Bordelaise. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va, j'ai le téléphone embranché, c'est pour ça. T'as le téléphone embranché? Comment ça embranché? Non, mais c'est pas ça que tu je voulais dire. Tu l'as attaché à une branche et tu te travailles avec. Il est embranché. D'accord, tout ok. Bah alors ça va. Bon, alors t'appelles de Bordeaux. Toi, tu voulais réagir par rapport à Jamel qui est toujours avec nous. Hein. Et là, Jamel, hein. Voilà. Ouais, je suis là. Très bien, bah alors bouge pas. Donc Jamel qui a eu une panne 2 dans sa vie d'ailleurs, hein, panne d'érection pendant qu'il était avec sa meuf. Enfin, en l'occurrence avec sa pute, mais bon, c'est pareil. Et Sandré, enfin quand je dis pareil, c'est parce que lui il les paye, hein, que ne croyez pas que je dise qu'une femme est une pute, bien sûr. Loin de là. Bon, vas-y Sandrine, alors dis-moi, c'est quoi ton avis toi? T'as déjà eu, t'es déjà tombé sur un mec qui est tombé en panne? Non, c'est moi plutôt. Comment ça, t'es tombé en panne, t'as pas réussi à bander? Bah, en panne d'essence, ça compte non, pas. Mais... Ouais. C'est juste que depuis quelques temps, j'ai plus d'envie, j'ai plus de plaisir avec un homme. Mais ah bon? Mais c'est parce que t'es tombé sur un mauvais. Sandrine, combien mesures-tu? Ouais, mais justement, alors là, en parlant non, de mauvais. Ça fait un moment que je suis comme ça. Ouais, en parlant combien... de mauvais. Combien mesures-tu, Sandrine? 1m58. Je te coupe la tête, je chie dedans, je la referme et, tu me suces la bise. Alors combien pèses-tu? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 46, 48, ça dépend. 46, 48, ça dépend. Comment ça? Tu mets deux personnes comme toi dedans. Ça taille, après... Non mais j'aime bien les prendre un peu grands. Non mais c'est pas grand, c'est-à-dire là, que c'est... là... Attends, oui. Tu fais 1m58 et 57 kilos et que tu prends du 46. Genre on peut en mettre oui, deux comme ça hein, dedans. Oui, je sais. Ah non, mais c'est pas large, large. C'est archi large. Et tu dois mettre 14 bretelles pour tenir le truc, quoi. C'est pas possible sinon. Oui, je sais. C'est ouf. Mais d'accord, bon, c'est un baggy. Ouais, si tu veux, ouais. Enfin, c'est pas laisse plus un baggy, c'est un baggy. Ah oui, non, mais il faut que ce soit vraiment très grand. Hein. Ah oui, mais ah ouais. En fait, c'est pour que ton mec puisse se mettre dedans et vous baiser à l'intérieur. Exactement, ouais. Toi, t'es. T'as un style particulier? T'es dans le gothisme ou un truc comme ça? Je mets beaucoup de pantalons très larges, oui, beaucoup de d'accord, de bon, écoute, ça. Tant mieux. Bon. Bah, c'est pas grave, en même temps, pourquoi pas. Dis-moi, Sandrine. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Je sais plus dire. Ah oui. Sinon, moi, je voulais dire que s'il a besoin d'aide, je peux. Oui, on imagine bien. Dis-moi, Sandrine, depuis quand ça va plus? Ça fait depuis que je suis maman. Voilà. Et ça fait combien de temps que t'es daronne? Ça fait 5 ans. Ah oui, quand même. Oui, il est temps de passer au chemin. Il est temps de. Parce que encore après, en général, oui, c'est vrai que les filles ont un petit peu, quelques petits problèmes une fois qu'elles ont accouché, parce que forcément le corps est un peu déformé, il faut le temps que ça se remette, etc. Donc du coup, elle s'éloigne un peu, mais là, après 5 ans, ouais, là, il y a un stress. Ouais. Et ton mec, il va voir ailleurs ou comment ça se passe? Non, c'est moi qui suis allée voir ailleurs. Ah, en plus? Ah bah, t'es gonflé, toi. Oui, mais je suis plus du coup avec le mec. Ah, d'accord, ok, non, alors j'ai rien dit alors. Je pensais que la meuf elle disait non, mais j'ai plus envie, donc ça fait 5 ans qu'il se passe plus rien avec mon mari, donc j'ai été voir ailleurs. Bah merde alors. Non, on va te faire une consultation en direct, prends le téléphone, mets le doigt sur la chatte. Mais qu'est-ce va. Que t'as avec ta chatte toi? Mais je veux l'aider. Oh là là, l'autre il se prend pour le doc. Mais non, je suis pas. L'escroc, c'est le. Ah, mais c'est. Le faux. On va la faire. Bon, et donc Sandrine, et avec l'autre mec, t'avais pas envie non plus? Non. Ah donc oui. t'as été avec un autre mec juste pour tester quoi? Non plus. Je suis allée avec une femme. Pourquoi pas, c'est l'opposé donc. Hein. Et avec l'autre meuf, t'avais pas envie non plus? Si, c'est mieux. Ah bah voilà, bah c'est que t'es Gwyn alors, bienvenue au club. Il a plein. Hein, il a plein que son Gwyn, c'est très bien. Si voilà, tu, si tu prends ton pied là-dedans, bah c'est parfait. Rappelez-vous la conspiration de la lesbienne. Ah, chose, ça y est. Oh là là. On y revient. Non mais voilà, c'est que bah, cherche pas plus loin. C'est juste que t'étais pas faite pour être avec un mec, c'est tout. Le principal, c'est que tu te sois trouvé. Mais pourquoi t'as pas continué avec cette meuf là ou avec une autre pour essayer encore une fois? Ah mais ça y est, c'est parti, ça y est. Oh bah lancé. Voilà. Non mais comme tu nous as vendu le truc quand t'es arrivé, moi je pensais que t'avais un vrai mais problème bon, et que t'avais plus envie avec les mecs. Voilà, au début même avec une femme, ça marchait pas non plus au tout début. Ah d'accord. Ah, mais maintenant ouais. Tu t'es trouvé, ça marche avec les filles. Oui, maintenant, oui, ça fait 6 mois que ça remarche, disons. D'accord, bah voilà. Jamel, peut-être que c'est le même problème chez toi, hein. T'as peut-être envie d'un mec. Non. Ah bah si, Jaja. On sait jamais, hein, on sait jamais. Attends, bon, reste avec nous. Peut-être gay, tu ne t'en es pas rendu compte mais encore. Écoute, peut-être. Bon, reste avec nous, Jamel, il y aura Ludivine et Adeline dans quelques minutes, là. Vous êtes là, les filles? Ouais. Oui. Ah, très bien. Adeline et Ludivine, vous bougez pas. On va revenir avec vous dans quelques minutes. Sandrine, je te fais des gros bisous. Ouais, mais bon, bisous à vous, à toute l'équipe. Et puis bon broutage de minou, hein. Salut Sandrine, gros bisous. Salut, salut. Allez, ciao. Bon, et appelez-nous encore hein, si vous voulez participer à l'émission, on est là jusqu'à 2h. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez envoyer tous vos messages avec le hashtag Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. C'est dans le sur le Twitter en l'occurrence, sur Facebook ça marche aussi. Et bien sûr par SMS, si vous n'avez pas internet, vous pouvez aussi communiquer avec nous, bien entendu. Vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message, envoyez ça au 64 900 et puis on lit tous vos messages en direct. Allez, c'est parti, on est au cœur de la nuit sans pub. Il est minuit 43 sur Fun Radio, il y a Gilo qu'on écoute maintenant, c'est First Love sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et il y a un message qui est arrivé, tiens, il y a Naxtwo qui dit sur le Twitter. D'ailleurs, Gilo, son mec l'a fait cocu avec un trave. Ouais, il paraît. Oh, alors, mon on Dieu. Saura pas, mais il est complètement con lui alors. Lequel? Qui ça? Bah, deux mecs. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais c'est pas Marc-Anthony. Mais non, mais. Mec, il est complètement con quand même. Bah, écoute. Mec, il est avec Gilo. Et il se tape un trave. En même temps, il y avait l'autre là qui s'était fait sucer. Ah oui, par une prostituée alors qu'il était avec la il bombe était... de meuf là. Comment ça, c'est un anglais là. Ouais, Oh putain. Qui joue dans toutes les comédies romantiques à la mort moelle-neux. Mais il sort avec qui? Je me souviens plus facilement des filles que des mecs, hein, je t'avoue. Attends, je vais trouver ça. Bon, en attendant, il y a Anthony qui dit salut Mickaël, est-ce que je peux avoir un petit message de bienvenue? Je vous écoute tous les soirs depuis mon camion, ou me permet, vous me permettez de pas m'endormir le soir et tu peux me passer Black également, Hugues Black, Grant. Black M sur ma route, s'il te plaît, Anthony. Ouais, Anthony, je te le passe Black M avec sur ma route. Attends, faut que je le trouve. Alors, où est-ce que je l'ai foutu celui-là, le Black M? Voilà. Et pour un camionneur, en plus du gars, ça tombe bien. Voilà, bah, je te le passe tout à l'heure, le Black M avec sur ma route. Tiens, bah, attends, je vais le trouver, je vais le caler maintenant et comme ça, je te le mets tout de suite. Ouais, donc c'est, comment t'as dit encore? Hugh Grant et la meuf, c'était Liz Orley. Ah bah ouais, le mec, il est... Ouais, bah, ouais, ça faisait genre 4 ou 5 ans qu'ils étaient ensemble. Oh, le mec, il est complètement con. Hein. Ouais, c'est... C'est quand même, c'est gâché, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que là, qui pleure. Ah bah oui. Pour avoir la même meuf, l'autre, il l'a, il va voir ailleurs. Il se fait pomper par une autre. Mais par une prostituée. Ah non, ça faisait presque 10 ans qu'ils étaient ensemble quand il s'est fait pomper. N'importe quoi. Oh là là. Il y a Arnaud qui dit mon ex a eu une panne de mâchoire, une crampe. Ma bite était dans sa bouche, coincée pendant 30 minutes. Génial. Ça, c'est bon. Ah ouais, putain, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un très très bon plan, ça. Bon, il y a Adeline qui est avec nous maintenant d'Épinal dans les Vosges. Salut Adeline. Bonjour Mika. Bonjour Adeline. Ça va bien et toi? Bah, ça pourrait aller mieux si mon mec, à chaque fois qu'il boit, il a toujours des pannes. Oui. Mais c'est normal, c'est automatique, mais c'est-à-dire que s'il buvait pas, il aura pas ce problème. Ouais, c'est comme les mecs qui fument, hein, c'est pareil. Hein, et moi, je connais des mecs, à partir de 2, c'est fini, hein, tu la feras pas monter de la soirée. Ah, hein. Qui fument du shit. Ouais. Ouais, d'accord, bah, je pense que c'est de la clope. De 2 canettes, ça va, mais quand il boit bah, un pack de 30... Ouais, mais enfin, s'il prend 30 bières, évidemment qu'il vende plus, le mec il est complètement torché. Mais heureusement qu'il n'est pas mort. Il s'est levé encore. Et pourtant, ça met sexy sous vêtements, tout. Ça non, mais attends, mais attends, attends, non, attends, attends, un pack, rien. Attends, un pack de 30, c'est combien de centilitres la canette? 33. Ça veut des 30. Ouais, c'est ça. 30 centilitres, enfin 33 centilitres. 33, donc ça fait 1 litre toutes les 3 canettes. Mais il est sérieux. Ça fait 10 litres quoi, ça fait 10 litres de bière à peu près, même un peu plus. 10 litres de bière d'un coup? En une journée. Mais t'es de bière, mais tu t'es complètement ouf. Mais il doit avoir un bide, mais d'une violence. Tu vois, alors qu'il mangerait non, des fruits. Il est mince, fait que 82 kilos, il prend pas 1 gramme. Putain, bah il a de la chance. Ah bah, en l'occurrence. Bière, mais il a quel âge? Il va sur 51. Peu importe l'âge. Non mais pourquoi pas, mais peu importe l'âge. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle, hein. L'autre il boit 10 litres de bière, évidemment qu'il bande pas, ça tombe sous le sens. Mais c'est-à-dire que même, est-ce qu'il se souvient même que tu t'es habillé sexy, tu vois, c'est ça la question. Et est-ce qu'il se souvient qu'il a bandé bah, un oui, jour pourtant, ouais. Oui. Laisse tomber, attends, n'importe quoi. Bah la solution elle est là, hein. Cherche pas plus loin, hein. Parce qu'à la limite encore, même Jamel, la solution elle est là aussi. Vous avez bu, enfin, oui. Votre mec et Jamel, toi, ils étaient tous les deux bourrés, mais qu'est-ce que tu veux faire? Attends, Ludivine qui nous appelle d'Avignon, salut Ludivine. Salut. Ah bah moi je comprends pas, moi mon mec il bande plus parce qu'il cuve 1,5 litre de vodka. Je comprends pas, il bande plus, ça marche plus. Bon Ludivine, qu'est-ce qui t'amène? Ben en fait moi ça m'arrivait avec mon copain aussi. Ouais, et alors à cause de quoi? Ben je sais pas, en fait je pense qu'on a dû le faire trop de fois dans la semaine. Et les samedis soirs on l'a fait une fois. la deuxième fois, on est en missionnaire et voilà, panne. C'est pas mal une fois déjà. Mais oui, bah, c'est attends, ça. Mais je pense pas que. Encore, si vous l'avez fait beaucoup de fois sur la même journée, les mille qui bandent plus le soir, pourquoi pas. Mais si vous l'avez fait plusieurs fois sur la semaine. Enfin, moi, si je le fais, ouais, je rebande peut-être pas directement, mais il est fatigué. 5-10 minutes après, le truc est reparti, quoi. Non, mais le garçon, il est fatigué, là. Il a fait toute sa semaine de boulot, puisqu'il a baisé tous les jours 2-3 fois. Et alors, Annie, que t'es pas en vie, c'est une chose, mais que tu bandes pas, moi, je peux dire, c'est. Il a bandé, mais pas la deuxième fois. Ouais, pas la deuxième, ouais. Il eut bandé. Voilà. C'est le samedi soir, voilà. Il était fatigué, quoi. Ouais, je pense. Jeudi soir 2 fois, vendredi soir 2 fois, le samedi matin, le samedi soir, donc ça en fait quand même. Ouais. C'est ça, le pauvre, si tu sais, si tu l'épuises après, c'est normal. Qui veut ménager ça. Sa bite, voilà. Voilà, tout à qui fait. Qui veut voyager, Polo. Mais exactement. Bon, attends, il y a Mickaël aussi d'Orléans. Salut, Mika. Salut, toi. Ça va bien, Mika. Bon, t'as déjà eu des pannes sexuelles, toi? Non, jamais. Jamais? Bon, pourquoi tu nous appelles alors? J'avais rien à faire, je vous appelle. Ah bah, juste pour dire que je n'avais jamais eu de panne sexuelle, bah très bien, bah voilà. Je suis un professionnel, tous les Mika c'est des professionnels. C'est ce qu'il me faut. De quoi? C'est ce qu'il me faut. Ah, Dean, c'est ce qu'il te faut? Bah oui, j'imagine, ouais, bah. Moi je bois pas d'alcool, déjà premièrement je bois pas d'alcool, je fais pas le shit, je fais que la cigarette et tout, voilà, c'est tout. Ben voilà, bah intéressant. Et ben c'est pour ça. Ben si vous voulez, ben il est un peu jeune pour toi, Dean, 24 ans là. Non, c'est pas. Ah toi, t'aimes bien la vieille. Bon, la vieille, elle a 37 ans, ça va. Attends, elle a donc combien, 10 ans de... J'ai commencé à 16 ans. Ah ouais, ben voilà, donc enfin bon, 37, elle est pas vieille. Toi, non, mais enfin, elle a 20 piges de plus que lui. Mais même pas, 37, 24. Ah non, pardon, je crois que c'est 18. Mais non. Non, j'ai rien dit, 24, j'ai rien dit. Ouais, non, ça va. Bah oui, là, y a pas de problème. Bon, ben en tout cas, ben Jamel. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivine? Dis-moi, t'as pas un petit conseil pour, genre, t'as vu la... Est-ce que t'as le kit manibre ou le haut-parleur? Parce qu'on comprend presque rien de ce que tu dis. Ah non, j'ai pas le haut-parleur, hein. Ah bon, alors c'est quoi le conseil de quoi, tu me dis? Genre, t'as pas un conseil pour lui remettre droite, en fait? Pour remettre quoi, droite, sa bite? Bah oui. Bah, elle est de travers? Mais non, mais genre, quand il a une petite panne. Ah, quand il a une panne, bah il faut attendre. S'il est crevé, ça va revenir. Tu prends un truc de glace, là, un bâton de glace ou une branche dans la rue. Ouais, tu voilà. Mets du scotch. Exactement. Ouais. Cool. C'est reparti. Ouais, tu fais ce qu'on appelle un tuteur, Mickaël, quoi. Tu l'accroches sur le côté. Ouais, Mickaël. Ouais, non, c'est Jamel qui gueule. Mickaël. Ouais, Jamel. Jamel. Jamel. Oh, Jamel. Jamel. Jamel. Jamel. Excusez-moi. Je t'en prie, vas-y. Hey, comprends. Qu'est-ce que tu disais, Jamel? Quand ça s'est fait, j'ai pris une douche à l'eau froide. Et je suis reparti dans le lit, elle me pipait et tout, mais pas moyen, rien. Ouais, mais à l'eau froide, en général, ta bite, elle se cache. Ah, mon pote. Hein. Je vais pas dire qu'avec l'eau chaude ça monte, mais avec l'eau froide, ça. Pourquoi tu crois que les. Tu sais, quand tu prends une douche à l'eau froide ou quoi, ta bite est toute petite? Ouais, c'est vrai. Ah, c'était peut-être pas la bonne solution. Que tu te mettes de l'eau froide sur la gueule pour dessouler un peu, ça c'était une bonne idée. Mais sur la bite, c'était peut-être pas le bon plan. En même temps, j'ai du mal à imaginer que si la meuf avec qui t'es te plaît, même si t'es fatigué, si elle commence à te branler ou qu'elle a ta bite dans sa bouche, que tu ne bandes pas, quoi. Me plaisait pas. Bourré. C'est normal. Jamel, t'étais bourré, elle te plaisait pas. Cherche pas plus loin, il n'y a pas de solution. Oui. Voilà. Ouais. Le seul moment où je peux imaginer ne pas bander, c'est si effectivement, bon, ça n'arrivera pas, mais s'il y a une meuf qui me branle, qui me suce ou n'importe quoi, ou que je couche avec alors qu'elle me plaît pas. Mais ça n'arrivera pas, je peux pas le faire, sincèrement, je pourrais pas. Contrairement à Tov qui lui. Ah oui, moi, de toute façon. Mais non, mais moi, c'est parce qu'elle me plaise toute, ça n'a rien à voir. Ouais, bah bien sûr, voilà. Moi, une meuf qui me plaît pas, ça n'existe pas. C'est ça. Mais voilà, donc c'est juste pour dire que moi, ça peut pas arriver. Mais cherche pas plus loin, Jamel. Si la meuf te plaisait pas et que t'étais bourré, bah voilà, le problème, il est résolu. Il faut que t'appelles une meuf qui t'excite un minimum, c'est normal. Ouais. Bah voilà. Bon, Jamel, essaye de faire ça. Merci. Rappelle-nous quand t'as réussi à avoir une nouvelle meuf, d'accord? Ouais, bon, d'accord. Allez, salut Jamel, bonne soirée, bon week-end. Hein. Merci. Et merci d'écouter Fun, ciao à toi. Ouais, Ludivine. Ouais, il y a moyen de gratter un petit cadeau. Ouais, on va te faire un pack fun si tu veux, Ludivine. Tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse en antenne, pas de problème. Et je peux faire une petite dédicace aussi? Bah, vas-y, Ludivine, à une personne, elle choisit la bonne. En même temps, avec ton téléphone, pas sûr que quelqu'un comprenne, mais vas-y toujours. Je fais une grosse dédicace à mon chéri qui doit m'écouter et qui doit être endormi déjà. Ah, bah donc il écoute pas. Ben, je pense, parce qu'il m'a dit d'enregistrer, donc... Enregistre, d'accord. Bisous, ouais. Bon, ben, ça roule. Je te fais des bisous, Ludivine. Ciao. Bisous, Mickaël. À bientôt. Ciao. Salut, Mika. Salut, Adeline. Hey, Mika, je fais une dédicace. Bon, allez, vas-y, Mickaël. Une seule personne, choisis la bonne. Bah, je fais une vingtaine d'départs à mon père. Eh ben, très bien, oui, fête des pères, c'est dimanche d'ailleurs en France, je le rappelle effectivement. Ouais. Bon, ben, ça roule, moi, salut Mika. Moi, je vais vous faire une dédicace à toute l'équipe. Eh ben, qui oui. Est super sympa. Je vous dédie à vous les femmes. Ouais, d'accord, ok, bah, le message est passé, vive les femmes. Salut Aldine, à bientôt, ciao à toi. Salut, à bientôt, ciao. Allez, bye bye. Il y aura Jimmy dans quelques minutes de Castres, salut Jimmy. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment tu vas? Bah écoute, ça va un peu bof là. Bon, qu'est-ce qui va pas Jimmy? Qu'est-ce qui se passe? Non, bah en gros, pour expliquer vite fait. Ouais. J'avais une copine, ça faisait, tu vas me dire c'est tout jeune, mais bon, ça faisait bientôt 7 mois qu'on était ensemble. Ouais. Et elle a vu, en fait, à un moment, elle est tombée sur mon ancien profil Badou, que j'ai filé à un pote, en fait. Et elle a vu, du coup, les messages que lui a envoyés. Sauf qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y est pas resté longtemps, il n'a pas changé mes photos. Et forcément, les messages, elle est persuadée que c'est elle qui les a envoyés. Mec. Et depuis, bah, c'est juste le bordel, parce qu'elle veut plus me parler, elle veut plus... Oui. Et je sais plus quoi faire, quoi. Eh gros, dis à ton pote qu'il allait lui dire, quoi. Bah oui, il peut pas lui dire. Elle veut rien entendre non plus. Elle fait genre que c'est un pote qui m'aide pour... Oui, pour c'est vrai. Attends, mais faut la comprendre. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui fait cette connerie-là va demander à un autre pote de lui dire « Non mais dis-lui que c'est pas moi. » Ce que fait Toff. Ouais, ce que Toff pourrait faire, effectivement, ouais. Non, bon. Après, le truc qui me bouffe, c'est que, ouais, voilà, sa réaction, je trouve, elle est disproportionnée. Elle m'a envoyé le message en photo, il y a écrit mot pour mot: coucou toi, j'adore tes photos, je te trouve très belle. Elle m'aurait chopé, tu vois ce que je veux dire, elle m'aurait chopé au lit directement avec une meuf en train de la troncher. Ouais, ouais, qu'elle réagisse comme ça, mais c'est complètement normal. Ouais, mais elle se dit que si t'es sur un site de rencontre, bah c'est qu'au final t'es quand même ouvert à des rencontres, c'est logique. C'est ça le délire. C'est normal. La donc elle est pas vénère sur le fait que tu l'aies trompé, que tu n'as pas fait, enfin ce qu'elle imagine que tu n'as pas fait. Mais à côté de ça, si t'es sur un site de rencontre, t'es pas sur un site de rencontre. Oui, si t'es avec une meuf, t'as rien à foutre sur un site de rencontre. Normal. Off, normal. Exemple. Mais en parlant de site de rencontre, qui va sur des sites de rencontres ici? Juste été, mais j'ai arrêté. Ouais, même Tinder. Pourquoi tu dis ce c'est pas, il a appris ça tout à l'heure. Ouais, j'ai entendu ça à la télé tout à l'heure. C'est le plus que parfait, non? Ouais, c'est... Je sais même pas. Je pense que c'est... Je t'avoue. Non, mais j'ai entendu ça au journal. Je trouvais ça mignon. Ah bon, d'accord, ok. Non, je demandais ça parce que je tombais sur une compilation des pires messages de sites de rencontres. Alors, j'en ai eu un qui était quand même pas mal. C'est Gigi, 59 ans, une meuf, un poteau combo, qui dit: je connais la vie. Alors, c'est pas les petits connards de ce site qui vont me la prendre. Les autres pas connards, bienvenue. Ça va comme message. Tu sais, c'est les messages, tu lis ça, t'as envie d'y aller, quoi. Ah bah grave, là, direct, j'ai envie de lui écrire, là. Ah bah grave, évidemment. Alors là, il y a... Donc j'ai le top 10, hein. Alors attention, qu'est-ce que je peux faire? Attends. Tu ne serais pas salope longtemps avec moi, car je te mettrais en cloque rapidement. Voilà un message que t'as envie de... Tu vois, tu te dis... Ah, bah bien, parfait, celui-là, je le prends. Ah grave, ouais, là, je vais y aller. Alors, je vais au camping tous les ans depuis que ma mère est décédée. Ah bah au moins on est tranquille, c'est clair. Alors, pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Alors sinon il y en a un autre qui a mis sur son profil aussi: les charmes sont trop chers, lol. Le pass 7 jours dit charme 9,99€, 14 jours 12 charmes 20€, 16 jours 15 charmes 25€. Je suis paradin mais les prix m'ont tué. Voilà. Alors il dit 25€, je prends 2 packs de lait, du Nesquik, du granola, du coca, des steaks charal, des pâtés, du râpé, etc. C'est alors si je viens te persécuter sur ta fiche, c'est que j'ai envie de te parler. Alors parle-moi, je mords pas, bisous. Tu râpais des charals. C'est sur Adopt-A-Mec, ça. C'est sur Adopt-A-Mec, Badou, Mythique, etc., etc. Donc, bon, si vous avez déjà été sur des sites de rencontres, appelez-nous, j'en ai d'autres, hein, comme ça, hein, le top des 10 pires annonces des sites de rencontres. 01 42 48 5000. Et puis, vous pouvez aussi envoyer un message directement par SMS. Vous envoyez Mickaël suivi de votre message au 64 900. Il y a longtemps, j'y étais. Je me suis mis sur un site comme ça pour rigoler, tu sais, pour voir les trucs. Et parce qu'il y a un pote à moi, il m'a dit c'était mémorable. T'as des annonces. Il y avait une meuf, écoute bien, elle demande dans le profil des mecs ce qu'elle veut, c'est que le mec aime le pâté. Oh. Si t'aimes pas le pâté, c'est pas la peine de venir me parler. Non, mais il y a plein de trucs comme ça, des trucs. Mais après, il y a des meufs qui doivent faire ça pour rire aussi, tu vois. Je pense, non, la plupart, le prince charmant là-dessus. Ouah, pas sûr, après faut voir, il y en a qui cherchent du cul aussi, hein. C'est pas automatique, mais il y en a. Je les ai pas trouvés. Hein. Tu m'étonnes. Bon, reste avec nous, Jimmy, là, reste là, on va te reprendre dans quelques minutes. On aura Aude également qui est là, de Vittel dans les Vosges. Salut Aude. Salut. Comment ça va? Avec un peu de menthe, c'est bon le Vittel. Ah ouais, c'est très bon. Ouais. Ça va bien, Aude? Ça peut aller, je suis un peu en stress. T'es en stress, pourquoi? Ben, sinon, j'ai un peu un rancard amoureux, quoi. Oh, t'as ton rancard amoureux demain. Oh, choupinette. Eh ben, on va en parler juste après Black M, tiens. C'est Anthony, ouais, camionneur, qui nous a envoyé un message avec Mickaël au 64-900 qu'il avait demandé. Bah, Black M sur ma route, on l'écoute maintenant. Ça fera plaisir à Hugo qui m'a déjà envoyé un message pour me dire oh non, merde, putain, fais chier, pas Black M. Eh ben, si, c'est Black M. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Voilà Anthony qui avait demandé le Black M là par SMS au 64-900. Bah c'est fait, Black M est sur ma route sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, si vous voulez participer à l'émission, envoyez Mickaël suivi de votre message au 64-900 ou alors au 30-44 depuis la Belgique. Et puis bah vous pouvez bien entendu aussi participer avec le Facebook et le Twitter. Tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre sur l'un des deux. Il y a aucun problème. Il y a Emily qui dit quand j'étais sur les sites de rencontres, le truc qui me saoulait c'est la question tu cherches quoi ici? En général, je répondais mon poisson rouge, je l'ai garé hier. Continuez, c'est vrai qu'en même temps la question est complètement con. Continuez, vous gérez des bisous et c'est mon soir de bonté, même Toff y a droit. Ah ouais, oh putain, c'est gentil, merci Emily. Trop bonne Emily. Hein. Et Titou aussi qui dit quel bonheur d'être avec vous, je vous surkiffe. C'est gentil Titou, merci à vous d'être là également. Et Marjolaine, coucou, ton émission me déstresse car j'ai rendez-vous d'embauche demain. Je t'écoute depuis que tu as créé Mickaël No Limit et je n'ai pas eu de message de bienvenue. Bah alors Marjolaine, déjà t'as quoi de comme rendez-vous d'embauche demain, ça à base de quoi? Et puis un petit message de bienvenue. Tu t'attaques que connard. Voilà. Bon, évidemment, tous les messages sont masculins puisque tout le monde insulte Off. Oui. Donc forcément, c'est compliqué d'avoir des messages pour les filles, bien entendu. Bon, on va parler des sites de rencontre donc dans quelques minutes là, comme promis. Et puis on va terminer aussi sur les problèmes d'érection. Il y a Théodora qui vient de débarquer là, 19 ans de Paris. Salut Théodora. Salut. Première fois que j'entends ce prénom. Ah oui. C'est vrai. J'ai entendu Théodore évidemment, mais Théodora, j'avais jamais entendu. Bah voilà, écoute comme ça. Oui, hein. C'est la version féminine. Bah oui, je me doute bien, Théodora. Mais comme ça, au moins, je me coucherai moins con ce soir. Grâce à toi. Ça me coule. Bon. Heureuse de l'entendre. Eh bah, j'espère bien. Alors, Théodora, toi, t'as déjà eu des pannes? Enfin, en l'occurrence, t'es déjà sorti avec des mecs qui ont eu une panne? C'est pas tout à fait une panne. En fait, mon mec, il l'a eu à bander une première fois, même très vite. Mais c'est une fois et une seule. Pas plus. Enfin, aucun espoir de recommencer. Ah bon? Deuxième, troisième fois, c'est mort, probabilité zéro. Ah bon, moi j'avoue que ça m'arrive aussi, c'est-à-dire qu'en fait, non, le truc c'est que bon, t'es évidemment super excité avant, et puis après une fois que t'as éjaculé, bah pouf, t'as plus envie quoi. Mais ça dure 5 minutes, 10 minutes, puis après c'est reparti, éventuellement. Mais ça dépend. Parce que c'est vrai que si je fais ça la journée, je peux redémarrer derrière. Bon, si je fais ça le soir, je peux le faire aussi, mais tu sais, s'il est vraiment tard, ouais, t'as envie de dormir quoi. Non mais c'est vrai, autant il faut être franc, c'est pas la peine de dire ouais moi je peux recommencer 1000 fois, bon faut arrêter non, de déconner. Non, c'est vrai que ça dépend. Mais ça dépend tu fais, voilà, tu fais ça, là je vais rentrer à 3-4 heures du mat, je veux dire si je le fais, après je vais dormir quoi, je vais pas le faire 5 fois d'affilée parce qu'il est tard et parce que j'ai envie de dormir. Mais si tu fais ça la journée, ça change tout, donc vous faites ça quand vous? Pas très tard, c'est entre 22h et minuit. Ouais mais donc c'est déjà le soir. Parce que pour peu que vous vous leviez vers 6h du mat, bah lui, 22h, c'est déjà bien tard. Hein. Ah oui. Ah oui. Donc ça peut être ça. Parce qu'au début, je pensais que c'est peut-être moi le problème. Ensuite, les premières fois, je lui avais suggéré légèrement que j'aurais peut-être un petit peu envie que ça recommence. Et puis, en fait, il est excité. Je sens qu'il est excité. Il me dit qu'il est excité. Mais son corps ne le comprend pas ça. Ouais. Et ça le met mal à l'aise. C'est bizarre. Mais pourquoi vous faites passer la journée de temps en temps un peu pour changer? Parce que tout le temps le soir, c'est relou quand même. Et surtout, vous mettez la pression, j'ai l'impression. Ouais. On s'en fout que tu le fais 12 fois ou une fois, tu le fais quand t'as envie. Ça, c'est pas... Ouais, c'est clair. Mais Théodora, tu mesures combien? 1m62. Combien pèses-tu? 58 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Taille française ou européenne ou peu importe. Bah, taille française, hein. Ouais. Si t'as la taille turque. Non mais française européenne, c'est y a rien qui change, c'est juste que c'est 10 de plus en France. Donc une fois que tu fais 90 C en France, fais 80 C en vrai. Enfin en et vrai en Europe. Alors tu peux me donner la taille Nouvelle-Zélande et Turque, s'il te plaît. Et Mongole pour toi parce qu'il est directeur d'antenne de Fun Mongolie. Fun Mongolie, ouais. Bon, en taille française, voilà. C'est 90 double D. Quoi? Double D comme Dong Dong. Et entre D et E. Comme Ding Dong. entre D et E. Et la taille du dernier portable que tu as acheté? Ou Dunky Donuts? Dunky Donuts. 38. Ah oui, c'est pas toi le problème. C'est du lourd, les gars. Bonne, bonne, bonne, bonne, bonne. Qu'elle est bonne, double D, double D. Double D. Non, écoute Théodora, je pense qu'il n'y a pas de problème physique en tout cas avec toi. Si tu as besoin que ça remonte une deuxième fois, après, oui, tu m'appelles, hein, je passerai derrière. Toff a déjà la gaule. Toff a déjà la gaule, rien que d'imaginer le double D. Rien qu'à l'idée, là, je suis au taquet. Yeah, double D. Et tu fais que ça. Double D. Bon, écoute, après, non, mais c'est pas. Voilà, si vous faites. Essayez de le faire genre un week-end quand vous êtes plus à l'aise. Et pas forcément avant d'aller dormir. Comme je l'ai dit, moi, quand c'est avant d'aller dormir, moi, après, je dors, tu vois, je suis claqué. Ça fatigue, t'as les endorphines. C'est fait pour ça. Si Dieu a créé les endorphines, c'est pas pour recommencer 15 fois d'affilée comme avant d'aller dormir. C'est pour dormir, voilà. Et donc, t'es pas dans un concours, t'en branles. Putain, je comprends pas qu'ils se prennent la tête comme ça. Mais oui, vous le faites un coup, tant que c'est bien fait, c'est pas la peine de recommencer 10 fois. Sauf si le mec, effectivement, il te met un va-et-vient, puis après il a fini. Et si t'es en chaleur, on peut t'envoyer un god. Voilà, un sextoy offert par passagedesir.fr. Exactement. Donc voilà, non mais il est précoce ou pas? Pardon? Est-ce qu'il est précoce? Non, enfin, ça dure pas non plus des heures. Non, mais combien? En gros, en moyenne, plutôt 30 secondes, plutôt une minute, plutôt 10 minutes de pénétration, je parle. Hein. Entre 5 et 20 minutes. Ah bah enfin, c'est bien. Non mais attends, mais toi t'es pas Théodora, t'es sérieuse là? Oh, c'est pas super long. Mais tu sais que 20 minutes de limage, c'est hyper chiant à un moment. Mais c'est super long. C'est super long, hein. C'est-à-dire que toi tu voudrais que le mec fasse 3, 4, 6, 60, 1 heure quoi. 1 heure il te bourre. Non, c'est pas possible. C'est chiant. Et tu sais, Théodora, moi je pense que, et d'ailleurs Toff est d'accord avec moi, il faudrait que t'envoies une photo à polo@funradio.fr de ce double D afin que nous puissions analyser. Ouais, c'est pour l'analyse, bien sûr, c'est médical. Je pense que Polo préférait une photo au niveau des seins et ensuite un plan entier. C'est ça. Bien entendu. Non c'est mais, ça. Sérieusement, je pense que c'est toi qui en demande trop parce que tu sais que 20 minutes de coït, de pénétration, de limage, ouais, t'appelles ça comme tu veux, c'est quand même, c'est long quoi. Mais c'est juste que ça me... J'arrive pas à... Comment dire, Est-ce qu'il te fait un préliminaire, toi? Est-ce qu'il s'occupe de toi? Est-ce qu'il te fait un petit minou, tout ça? Oui, mais j'arrive pas au bout, quoi. Au bout de quoi? Ah, mais c'est peut-être toi qui es anorgasmique. Mais t'as faim, à chaque fois, t'as envie de plus. Oui. Bon, est-ce que t'as déjà eu un orgasme? Oui, mais pas avec lui. Pas avec lui. Ah, bah oui, mais ça après. Mais écoute, tu sais, je suis disponible. Non, mais le problème, c'est qu'elle a visiblement déjà un mauvais coup à la maison, donc c'est pas la peine d'en avoir deux. Hein. Oui, mais peut-être que. Tu sais, moins par moins. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, ça met plus, mais pas forcément toujours. Hein. C'est l'exception qui confirme la règle. Eh ben, je préfère la vérifier avant de la confirmer. C'est cela, ouais. Bon, bah écoute, je sais pas. Alors, si t'as déjà eu avec. Peut-être qu'il fait des trucs pas bien, il faut peut-être l'aiguiller. Mais... S'il te fait un cunis qui fait pas bien, il faut lui dire, il peut pas le sucer de son pouce. Bah écoute, je peux pareil contrer. Pareil pour les mecs, hein, si votre meuf elle vous suce pas bien, c'est pas la peine de la virer ou de dire elle suce mal. Donnez-lui des conseils, dites-lui ah bah essaie de faire ça ou ça. Mais voilà, faut pas forcément se la ramener en mode film de cul, hein. Mais genre donner des petits conseils, l'aiguiller quoi, c'est normal, c'est logique. Ouais. Vas-y plus fort, bourre-moi, lèche-moi la chatte, enfin des trucs. Non, justement, des trucs, vous êtes pas dans un film de boule quoi, c'est ça, ouais. Donc Théodora, je pense qu'il y a un moment, comme une chienne, enfin, faut ta gueule. Oh là, il va une minute au coin, il m'a saoulé l'autre là. Oh là là. Eh ben voilà. Ça sent moins la merde. Ouais, là on est mieux, on n'est pas mieux Théodora là. Si. Sans Toff. C'était utile. Voilà. Toff au coin, ça va beaucoup mieux là. On est au calme, t'as l'impression qu'on est chez une vieille avec le tic. Ouais. La pendule de la vieille. Avec la pendule. Bon bref, donc Théodora, donc discute un peu avec ton mec et puis vous mettez pas la pression, faites-le à la cool et guide-le. Quand il y a un truc que t'aimes bien, dis-le lui. Quand il y a un truc qui fait mal, dis-le lui aussi. Et voilà. Ok. Et bon, tu sais, il y a un truc qui est bien, Théodora. C'est une technique qui est bien. Il peut utiliser il met un casque, il écoute l'émission en même temps. Comme ça, comme il va penser à autre chose, il va se détendre, il va rigoler. Il peut durer pendant 3 à 4 heures. Pourquoi pas, c'est une idée, ouais. On est une sorte de Viagra. En tout cas, de toute façon, on va te filer un sextoy offert par. Ah non, on peut pas dire. La pub est en panne. Le sponsor est cassé. La fenêtre est passée, on peut pas. Ah oui, le sponsor est cassé, merde. Ah voilà, donc offert par. Passagedudésir.fr. Voilà, tu vois, ça marche. Bon, tu préfères quoi, Théodora, comme sextoy? Plutôt les gros balèzes, les petits discrets, les quoi? Bah, En fait, j'en ai jamais utilisé. Donc, Ce sera l'occasion. Ça sera... Alors, évidemment, on va t'envoyer une équipe technique pour l'installation de l'appareil. Oui. Bien sûr, je viendrai le livrer personnellement. Voilà, c'est ça. Tout le monde est le bienvenu. Ah, oh, bah écoute, c'est cool, Théodora. Bah, dis comme ça, j'arrive. Radio, De quoi, Théodora? Si c'est Fun Radio, pour Fun Radio toujours. Bon, oh, bah c'est gentil, Théodora. On peut coucher avec toi. Quel bon accueil, Théodora. on a parlé d'installation d'un sextoy, on a parlé de... C'est ça, c'est ce que je te parle. Oui, c'est ça, installer le sextoy. Installer le sextoy, tout à fait, ouais. Ah, bon. Mais moi, je pensais que vous alliez mettre les piles... Ah oui, bien sûr, il sera livré. Ah, bien t'appelles ça comme ça. Oui, on va te mettre les piles. Oui. On va te mettre une grosse pile. Je vais te la mettre bien au fond. Là. Voilà. Bon, je te fais des bisous, Théodora. Et rappelle-nous quand t'auras reçu le sextoy pour voir si tu kiffes. Et puis rappelle-nous aussi quand t'auras un peu discuté avec ton mec pour voir si ça se passe mieux, d'accord? D'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et gros bisous à toi, Mickaël, et à Top spécialement. Quelle horreur. Merci, Théodora. Il y a tout le monde qui l'ignore. Mais on l'ignore pas, on lui chie sur la gueule. On lui ouvre le crâne, ah oui, on chie dedans, on le referme, il nous suce la bite. Ah oui, c'est ça. Le mec, il était violent. Bah, il est là, tiens. Va t'occuper de ton gros cul, ta gueule, va niquer ta mère, sale fils de chien. Voilà, et attends, j'ai l'autre. Ferme ta gueule, moi j'ai même pas envie de te parler à la sortie là. Moi je vais te prendre, je vais te crever ta race, enculé, va, tu vas voir. Je te jure, tu vas me sucer les boules, mon gars, mais tu vas tellement les gober. Mais alors, avant, tellement aller loin dans ta bouche, mon gars, tu vas voir. Tout ça en une traite, ça dure 10 secondes, on n'a pas eu le temps d'en placer une, hein. C'est du véridique, c'est du beau, c'est du gratuit. Bon, Théodora, je t'embrasse, gros bisous à toi, à bientôt. À bientôt. Salut Théodora. Qu'est-ce que je vais dire? Oh, dans un instant, on va la récupérer avec son rencard. Il y a Antoine qui voulait parler de sites de rencontres. Salut Antoine. Salut Mickaël. Bon, on va en parler dans quelques minutes avec toi, les sites de rencontres. Ouais. Tu t'es déjà inscrit? T'as rencontré une meuf, un mec dessus? J'ai rencontré une meuf. Ah, d'accord, ok. Eh ben, on va en parler. Puisqu'on était tombé justement sur le top 10 des pires annonces de sites de rencontres. Et donc, il y en avait un qui dit: pour les fiches sans photo, j'aime voir ce que je mange et je n'aime pas le thon. Voilà, ça au moins ça met les choses au clair directement. Oh, il est bon lui, il est bon. Il y avait aussi: bonjour, je m'appelle M-A espace pelle comme une pelle quoi. Flip flap, j'aimerais J-A-I espace M-E espace R-A-I. Hein. Donc, j'aimerais bien vous rencontrer, vous connaître et j'ai deux chiens. La race. L-A espace R-A-S. C'est pour ça que j'ai du mal à lire parce que c'est compliqué. Hein. La race de mes chiens, c'est des Rottweiler. Ah oui, c'est une belle valeur pour le Rottweiler. Ah oui, difficile hein, pour l'écriture quand même, pour l'orthographe. Et comme quoi, hein, vous voyez, votre message d'accueil est très important sur les sites de rencontre. Hein. Ça laisse une certaine image. Exactement, ça peut même tout changer. Tu restes avec nous, Anthony, on va parler avec toi dans quelques instants. Dites-nous si vous avez déjà été sur les sites de rencontre et surtout, est-ce que vous avez déjà fait des chouettes rencontres ou pas, justement. Vous appelez 01 42 48 5000, vous appelez également depuis la Belgique au 02 851 4x0 et puis bah, continuez avec vos messages en direct par SMS notamment. Alors Facebook, Twitter, ça fonctionne avec Mickaël officiel et par SMS, envoyez Mickaël et votre message au 6490. Et on lit tout ça en direct sur Fun Radio. Il est 1h17, bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël Nolimit jusqu'à 2h. Et Iggy Azalea maintenant, c'est Fancy sur Fun. Bonne nuit tout le monde. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël Nolimit dure longtemps, hein, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio avec tous les messages qui arrivent, avec le son de Dioro qui arrive aussi dans un instant, la 5 Hours. Et on l'avait demandé tout à l'heure, Pitbull avec We Are One. Pitbull et Gilo, hein, We Are One, la musique évidemment de la Coupe del Mundo, la Coupe du Monde 2014, où on a eu le premier match tout à l'heure, hein, Brésil-Croatie, 3-1, et c'est déjà le bordel un peu partout sur Facebook et Twitter, où il y a l'entraîneur croate qui a dit: ouais, vous avez qu'à directement leur donner la Coupe aux Brésiliens, puisqu'il y a déjà eu le premier penalty qui n'existait pas, et en faveur du Brésil bien entendu. Donc ça a été le premier bordel que vous allez certainement voir à mon avis sur Facebook ou Twitter quand vous allez vous connecter. Maël qui dit: longtemps que je vous écoute et toujours pas eu de message de bienvenue. Ah bon? Écoute-moi bien, espèce d'enculé, t'es mort. Bah, moi, je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Bah, voilà, Maël, fallait demander. Ness également qui dit: j'ai déjà été sur Adopte un mec, ça m'a vite saoulé. Pas pour moi, les sites de rencontres. Et Marjolaine qui dit: j'ai arrêté d'aller sur les sites de rencontres car ils te proposent des plans cul. Ouais, c'est clair que ça peut arriver assez régulièrement, faut dire les choses. Dans une dizaine de minutes maintenant, il y aura le dernier appel malveillant de la soirée et même de la semaine. Et puis on va. Bah oui, et puis on va prendre Antoine qui est avec nous maintenant. T'es là, Antoine? Oui. Antoine, t'es là? Oui, je suis là. Très bien, on va faire le gainage aussi. Hein. Ce soir, on fait combien? On fait. 120 toujours. 90. Non, hier, on l'a fait 120. 120, ouais. Et on remet 120 encore. On remet 120 et quand dimanche. Dimanche, on passe à. À 50. 125. Attends, pas loin, je crois. Attends. Faut juste que je retrouve la liste. On va retrouver. Bon, on fait le gainage hein, depuis 3 semaines maintenant, à plein de cul. Et on terminera, pas dimanche, mais dimanche d'après, en direct de Marseille, puisqu'on sera là-bas, on sera sur le Vieux-Port. J'espère que tous les Marseillais et ceux qui sont dans la région vont évidemment nous rejoindre, vont venir faire la teuf avec nous. On sera à 16h sur le Vieux-Port pour faire des conneries et des cadeaux, évidemment, à la clé. Et puis on fera l'émission en direct de Marseille, 20h, minuit, dimanche soir. Pas ce dimanche, mais le 22 juin. Donc, prévenez bien vos potes. Et puis en plus, comme il y a plus court et tout ça, j'espère que vous serez évidemment très nombreux. Bon, on fera combien du coup là, dimanche? 2 jours 150. Donc le dimanche et lundi 150. Et mardi, on passe à 200. Non, 180. 180. Non. 3 minutes. On va être bon là. On va pas être bon, on va être très bon. Bon, alors du coup, Antoine, toi tu parlais de sites de rencontres. T'as déjà fait des sites de rencontres donc? Ouais, j'ai déjà fait des sites de rencontres. Alors vas-y, raconte. Bah, j'ai eu 3 relations dans ma vie, mon tout, quoi. Attends, on t'entend mal parce que soit t'as le kit main libre ou soit t'as le haut-parleur, non? Ou soit t'as le téléphone dans ton cul. Ou t'as le téléphone qui s'éloigne de ta bouche. Non, pas du tout. Non plus. Ah bon, c'est bizarre. Bon, alors vas-y, continue. J'ai rencontré mes 3 copines que j'ai eues. Non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça parce qu'en fait, tu m'as parlé, j'ai rencontré mes 3 copines que j'ai rencontrées justement et elles avaient 18 ans. Et tu vois, on n'entend rien en fait. Ah ouais. Non. Peut-être que ton téléphone, tu l'as trop près de ta bouche, je sais pas. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Ah non, c'est assez bas. En fait, quand t'as dit vous m'entendez mieux, ça fait là, vous m'en ou pas? Ah mince. Ah oui, c'est compliqué, ouais. Ouais, merde. Bon, essaye de voir, peut-être bouge un peu, je sais pas, on va essayer encore. Hein, ouais, donc... attendez. C'est pas mieux comme ça ici? Là, ça a l'air d'aller. On verra. On verra, ouais. Donc vas-y, réexplique ton histoire. Ouais, bah en fait, j'ai rencontré mes 3 copines sur les sites de rencontres. J'ai eu 3 copines en tout et tous sont prêts sur les sites de rencontres. Mais pourquoi pas, après il y en a qui sont rencontrés sur le site de rencontre, ça marche très bien, hein. Faut voir. Ouais, ça marche très bien. Et là, ma dernière relation, là, ça fait 9 mois que ça dure. Oh là, donc, pas mal. Pas c'est mal, beau, ça. C'est beau. Mais t'es jamais tombé sur des cas un peu bizarres? Bah, ma première, c'était un peu, elle était un peu bizarre quand même, un peu... On va dire, je sais pas comment la décrire, c'était un peu... Un peu je la sentais pas, je la sentais pas, je vois, difficile et tout ça, et... Ouais mais c'était pas une cassos, c'était juste que voilà. Ouais voilà, c'était une fille qui est pas prête quoi. D'accord, parce qu'après tu peux tomber sur des mecs comme ça là, je recherche une future amie qui serait l'exact contraire de mon ex-épouse. Hop là, au moins ça met les choses au clair directement. Alors sinon il y a aussi une grande discussion hein, entre Claude et moi, c'est comme ça qu'il s'appelle. Coucou, enfin CC, l'autre qui répond CC pour interrogation. Que te manque comme fantasme non réalisé? Et moi réponds, une relation épistolaire de qualité avec un homme du terroir mûr. Je suis déjà toute mouillée. Rapide lol, t'as envie de quoi tes fantasmes que tu veux réaliser? Je t'ai déjà dit, une relation épistolaire de qualité. Moi ça me va, tu as des gros seins et gros tétons. Je peux jouir le sperme dessus si t'es ok. Les mecs ont quand même pas peur. Hein. Il est bon. Et surtout, c'est l'écriture, quoi. Non, mais c'est ça. Et t'as, je lui demande si elle a des gros tétons, il la connaît pas, le mec. Il y va, franco de porc. Hein. Il en a rien à foutre. Ah ouais, non, il a le mec, on dit franco de toff. Oui, en franco de toff, pardon. Ouais. Le mec, il y va, mais comme un ouf, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Oh, c'est bon, mais c'est le bon. Pire, c'est qu'il y en a qui essayent, et je suis sûr qu'avec ce genre de truc, il y en a qui y arrivent. Non, mais non, je peux pas croire qu'il y a une meuf. Tu lui écris, est-ce que t'as des gros tétons, est-ce que je peux jouir dessus? Qu'il y a une meuf qui lui répond et qui lui dit, mais oui, viens chez moi. Je sais pas, franchement. T'as des gros tétons. Ouais. Bon, enfin bon. Sinon, il y en a un qui dit aussi, mon livre préféré, le leadership. Donc, leader comme leader, mais avec un I, espace ship comme un chips. Et puis enfin, film préféré, la liste Schindler. Voilà, Chimlouer. La liste mecs, Chimlouer. Pour un mec cultivé parce ouais, que. Il parle de livres et de films. sauf que si tu veux, c'est pas ça encore. Sinon, il y avait aussi Jérémy, 24 ans de Paris. Je ne suis pas bien dans mes baskets. Je ne porte pas de baskets. Hein. Ça donne une dégaine de pingouin arthritique. Si tu portes des baskets, clique sur la croix en haut à droite. Si tu portes des ballerines, allume le gaz et ferme les fenêtres. En termes de violence, on est quand même pas mal avec le dernier là. Oh, il est plutôt bon, lui. Pas mal. Il y a David aussi d'Angoulême qui est avec nous là. Salut David. Salut David. Salut Mickaël, salut l'équipe. T'as la radio allumée toi David? Non, je viens de l'éteindre. Ah, c'est pour ça que t'avais répondu avec un peu de retard. Bon David, bah sois le bienvenu. Hein. Donc t'as déjà fait des petits sites de rencontres hein? Ouais, j'avais été sur Badou. Ah, Badou. Je venais juste de m'inscrire en fait. Et en fait, il y avait une grosse cougar qui m'avait envoyé un message et tout, mais super trop hard quoi. Genre, vas-y raconte. Elle m'avait mis... j'ai plus trop de messages que ça date d'assez longtemps. Elle m'avait mis ouais ça te dirait que tu viens de m'éclater la chatte, un truc comme ça. Je peux pas croire qu'il y ait des meufs qui écrivent comme ça. Bah si, il y en a qui écrivent comme ça, mais c'est juste que en fait moi je suis tellement parano que même si bon si j'étais célibataire et que je cherchais une meuf, à partir du moment où t'as une meuf qui vient et qui me rentre dedans comme ça, c'est louche. Non, c'est que c'est louche. Enfin tu vois, c'est pas normal. C'est toujours louche. Enfin tu vois, c'est pas. Il y a un truc pas clair, il y a un truc c'est pas normal ce truc là, c'est pas possible quoi. Donc du coup je serais j'irai pas, alors que je raterais peut-être le coup de ma vie, mais j'irai pas. C'est vrai hein. Mais moi j'ai fermé le message directement, j'ai même pas cherché à comprendre. Ah t'aurais dû répondre, ne fût-ce que pour voir jusqu'où ça allait aller quoi. Et tu lui dis que. Tu lui demandes si elle a des gros tétons et si elle aime bien le livre Leadership. Leadership, exactement. Et son film préféré, c'est la liste Schuridler. Voilà. Non, déjà, juste vu sa tête, déjà... Elle avait une tête de comment? On voulait dire un peu... Dégueulasse, quoi. Vieille ou pas belle? La tête de Toff. Ah, la tête de Toff en meuf. Ah oui, bah, c'est dur. Non, je comprends. Moi aussi, je serais parti en courant. C'est clair. Bon, bah très bien. Bah, et merci en tout cas, David et Antoine, d'être passés. Hein. Ouais. Ouais, et j'avais aussi une autre histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'étais avec une fille, je suis resté, qui s'appelait Anaïs, je suis resté 4 mois avec elle en fait, et j'ai tout lâché à Angoulême, donc mon taf et tout, j'ai tout lâché pour aller vivre avec elle à Niort. À Niort? Ouais. Ah, je croyais à New York, je me dis ah bon là, ouais, là normal, à New York, oh là là. Et en fait, donc au bout de 4 mois, en fait, il y avait une espèce d'histoire, elle a inventé toute une histoire en fait pour me jeter chez elle en fait, et à 2h du matin, je me suis retrouvé dehors. Oh, c'est chaud. Quoi. Mais putain. Ouais, mais mec, tu la connais pas, tu la rencontres jamais. Jamais tout claquer pour une meuf ou jamais tout claquer pour un mec. Hein. Et une meuf ou un mec qui te kiffe, il te demandera jamais ça. Mais exactement, sauf jamais. Si à un moment, voilà, vous voulez vivre ensemble et qu'il y a un moment, il y en a deux qui doivent y aller. Mais faut pas tout plaquer pour un mec que vous connaissez à peine ou une meuf que vous connaissez à peine, vous êtes tarés. La preuve, du coup, t'es de retour à Angoulême. Ouais. Bah voilà, du coup, finalement, tout ça pour ça, hein, j'ai envie de dire. Tout ça pour un petit aller-retour, ça fait. Ouais, voilà, t'as fait des vacances quoi. Ouais, c'est ça, ça m'a fait des vacances. C'est ça, donc méfiez-vous quand même. Bon, bah, merci ouais, Antoine, nickel. Merci David d'être passé. Ouais, Antoine. Ouais, je peux passer une petite dédicace. Bon, allez, vas-y, vas-y, David, à une seule personne, hein, choisis la bonne. Bah, je passe une dédicace à mon petit loup qui est en train de m'écouter là. Ok, eh bah, très bien, message passé. Vas-y, Antoine. Ouais, moi, je fais une dédicace à ma copine qui a fêté ses 19 ans hier. Quoi. Non. Fraîche, la cochonne. Eh, musique d'anniversaire. Bah, ouais. Voilà, oh, 19 ans, comment elle s'appelle, Antoine? Marie. Et t'as pris une plus vieille, toi, c'est bien, Antoine. Ouais, de 2 mois, ça va. Ah, de 2 mois, oui, d'accord, ok. Voilà, et bon anniversaire, 19 ans. C'est Marie, c'est ça hein? Ouais, Marie. Voilà, bon anniversaire, Marie. Bon, eh ben, salut à vous deux, et puis on embrasse surtout vos copines, hein, parce que vous, on s'en branle un peu. Ouais. Salut. Merci, salut. Allez, salut. À vous deux, ciao, bye bye. Jimmy, dans un instant, qui a un problème avec une meuf, là, site de rencontre, etc. C'est d'ailleurs lui qui nous a lancé sur le délire. Toujours là, Jimmy? Toujours là. Bon, très bien. Alors, bon, pour en revenir à ton problème dont on va parler dans quelques minutes après les appels malveillants de Toff et après qu'on ait fait ce putain de gainage qui m'angoisse, rien que l'idée d'y penser. Un peu de gainage. Ben oui, rappelle-nous un petit peu en 2 mots là le problème encore là, j'ai oublié, excuse-moi. Laissez tomber sur les messages qu'avait envoyé ah oui, c'est vrai. Sur Badou. Exactement. Bah écoute, oui, donc en gros, t'avais ton ancien profil, ton pote l'utilise, sauf que ta meuf est tombée dessus, elle croit que c'est toi et elle croit pas ton pote qui dit que c'est lui. Voilà, c'est voilà. Ça. Eh ben écoute, t'es dans la merde, hein. Je pense que... Bah oui, mais bon, la question... Si elle te croit pas, elle te croit pas, qu'est-ce que tu veux faire pour lui prouver? T'as pas de preuves. Comment elle est tombée sur ton profil sur Badou? Oui, c'est vrai, c'est qu'elle traînait sur Badou. En fait, si tu veux, moi j'enregistre tous mes mots de passe des sites internet sur mon truc. Ouais. Et en fait, elle a voulu regarder un truc, parce qu'elle s'y connaît pas du tout en informatique, elle est tombée du coup sur les mots de passe enregistrés. Et vu que je l'avais pas supprimé... Pour quelqu'un qui s'y connaît pas en informatique, faut quand même déjà faire quelques manipulations pour tomber là-dessus. Hein. Bah ouais. Bah, y en a deux à faire en fait. Ah bon? Mais ouais. Tu utilises quoi? Firefox. Ah bah, mais il n'y en a pas deux, il faut aller dans outils, il faut aller dans préférences, il faut aller dans sécurité. Tu vas dans paramètres et tu vas dans mot de passe enregistré. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a été foutre dans mot de passe enregistré? Attends, hey, je veux bien le hasard du hasard, ce que tu veux. Je veux bien, je m'y connais pas, je sais pas comment aller sur internet. Mais à un moment, quand il est marqué mot de passe enregistré, tu sais bien qu'en cliquant là-dessus, tu n'arriveras pas sur internet. Ben oui, elle c'est comme si un peu, c'est comme si un peu, tu vas dans une maison, tu connais pas la maison, il y a marqué toilette et tu vas dans la cuisine. Eh ben, en ouvrant la porte des toilettes, t'arriveras jamais dans la cuisine. Hein. Oui, bah oui. Il est bien en exemple, non? Ouais, il était top. Putain, j'ai kiffé mon exemple. Moi, j'ai adoré. Ah bah, je trouve aussi. Donc, je pense qu'elle fouillait quand même un petit peu, parce que, tu vois. Mais bon, après, voilà, comme je t'ai dit, les mots de passe, voilà, tu penses pas tous les jours à aller enlever tes anciens, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu dois pas les enlever, après, voilà, peu importe, si t'as rien à cacher, t'en fous. Le truc que je l'utilisais plus, pour moi, voilà, ça m'était sorti complètement de non, la tête. Non, mais attends, et tu sais que dans Firefox, chez moi, j'ai 150 milliards de mots de passe, il y en a trois quarts que j'utilise plus, mais je vais pas aller dedans, bon, ça j'utilise ou pas, bon, ça j'efface. Ils sont dedans, je m'en fous, tu vois, le jour où j'en ai besoin, ils sont nouveaux là, mais je veux dire, je fais pas le ménage constamment, t'imagines, voilà, si tu dois commencer à. Bah oui, mais voilà. Et du coup elle est partie mais dans la foulée, alors que moi j'étais sorti chercher un truc, bon bref, elle est partie dans la foulée et depuis elle veut même pas écouter ce que j'ai à lui dire. Mais t'as son numéro, nous on va l'appeler si tu veux. Mais ouais, moi je vais lui dire. Je suis pas sûr qu'elle réponde à cette heure-ci, mais je l'ai donné à Sandro déjà. D'accord, mais dans le pire des cas, même si elle répond pas à cette heure-ci, on peut la rappeler dimanche plutôt à 20h. Ouais, enfin après dans je suis censé l'avoir samedi parce que bon voilà. Ah bah génial. Mais ouais, après c'est tendu quoi, parce que j'ai même appelé ses parents et tout, alors que voilà, je leur ai dit ouais, essayez de raisonner, enfin entre guillemets raisonner votre fille, parce que voilà, je suis accro à elle, même si ça fait que 6 mois, et j'ai pas envie que ça se finisse pour une histoire aussi pourrie quoi. Ah oui, bah oui j'imagine. Bon, attends, reste temps, avec nous. Peut-être qu'avec le temps. Michael. Ouais. Par contre, je peux juste te donner un conseil pour le gainage. Dis-moi. Attends, enlevez vos casques, Toff et Polo, le conseil n'est que pour moi. Voilà. Non, parce qu'en gros, je suis ancien militaire, donc le gainage, je connais très bien. Dis-moi. Et en fait, il faut que tu laisses ton attends, corps. Attends, Toff, vraiment fout de ma gueule, tout il garde un. Il a les deux, là, il garde une oreillette, là, enfoiré, va. Et l'autre, là, il fout de bâtard, tu dis? Il faut que tu remontes les fesses, faut pas que tu les mettes en mode. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. Il faut que ton corps, en fait, il soit tout droit, et tu verras que ça passe mieux déjà au niveau du dos. Bah, mais ça va beaucoup mieux depuis que je l'ai fait en mode Clara Morgan, puisque j'ai couché avec Clara Morgan, enfin, j'étais couché à côté d'elle. Bah oui, mais non, mais en fait, quand sur la vidéo, si tu veux, je me suis mis en mode pompe, et là, j'en ai chié avec mon dos, et puis après, je l'ai fait en mode Clara Morgan, puisque c'est oui, elle qui l'a fait. Mais c'est trop facile. Qu'est-ce qui est trop facile? Bah, de se mettre en mode Clara Morgan avec le cul bien à l'air, c'est trop facile. Bah, il faut faire comment? Tu viens de me dire de lever le cul? Non, tu restes droit, tu une planche à repasser. Faut que tu restes bien droit. Donc tu lèves limite un peu la pointe des pieds, mais tu restes vraiment bien droit. Et tu verras que ça passe déjà beaucoup mieux. Mais c'est ce que je fais, mais j'ai mal au dos quand je fais ça, c'est ce que j'ai fait au début. Non, tu baisses ton cul. Parce que on le voit justement sur les vidéos de Clara Morgan, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, en fait, ouais, tu baisses trop le cul en fait. Au bout d'un moment, c'est forcément tu fatigues et tu baisses trop le cul et tu penses pas à le remonter. Et forcément, ça te pète le dos parce que t'as le dos voûté. Bah ouais, mais tu me dis de ne pas le lever le cul, c'est trop facile. Et maintenant, tu me dis qu'il faut le lever. Non, je te dis de le mettre à plat. Tu gardes ton corps tout droit. Bon, écoute, je vais essayer. J'ai peur de pas comprendre, mais je vais essayer. Bon, je vais essayer. Bon, il a dit qu'il fallait mettre le cul le plus bas possible. Dans ton nez, Toff. Voilà, donc pour Polo et Toff, comme ça, ils ont le même conseil que moi. Il n'y a pas de problème, ce sera plus simple. Bon, ben salut Jimmy, en tout cas. Salut, on va te reprendre dans un instant, surtout. Bouge pas. On va essayer d'appeler ta copine. Et puis, on va revenir avec les appels malveillants de Toff. Et on écoute le son de 5 Hours maintenant, 10 euros sur Fun Radio. On fera le gainage, il y aura Polo contre le reste du monde. Tout ça, ça va arriver. Et continue à balancer tous vos messages sur le Twitter, sur le Facebook avec Mickaël officiel. Et puis, bien sûr aussi, par SMS, vous envoyez votre message, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900, on lit tout en direct. 1h38 sur Fun avec le son de Dioro. C'était 5 Hours. Bienvenue si vous débarquez. Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. On va récupérer Jimmy avec sa copine qu'on va essayer d'appeler. Il y aura le gainage à faire là. Et puis on va se faire les appels malveillants maintenant. La dernière giclée. Oh oui. Soir. J'adore les giclées. Et on va demander aux femmes donc quelle est leur position préférée, quelle est la position qui leur donne le plus facilement l'orgasme. Voilà, en gros, c'est ça. Donc on appelle grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. 1h39 sur Fun Radio pour le contrôle du monde, c'est dans un quart d'heure. Allez. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Oui ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir dans quelle position vous prenez le plus de plaisir, madame. Eh ben, bon accueil, bonjour. On rappelle ? Bah oui. Allez. Oui. Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Allez, allez vous faire foutre monsieur, à chaque fois vous avez que ça qu'à faire à appeler des gens comme ça et leur dire des conneries pareilles. Allez mais, vous faire foutre. Mais enfin madame, pourquoi vous dites ça? Allô? Ah bon, d'accord, ok, tant pis, hein, c'est pas grave. On rappelle encore un coup? Ah bah oui. Allez, j'ai l'impression qu'elle dit, c'est, vous avez que ça qu'à foutre. Oui, c'est un peu ça. J'ai pas que ça qu'à foutre. Allez, on rappelle. Va te faire foutre. Voilà, c'est le même. Oui. Vous arrêtez pas de l'appeler la police, hein? Mais enfin, vous êtes pas gentil, madame. Moi, je vous pose juste une question. Faut pas s'énerver. Si vous y répondiez, on n'en serait pas là. Non, j'ai pas envie de répondre. Et vous allez me foutre taper parce que j'appelle la police. Comme c'est le numéro, j'appelle la police. Bah oui, mais commencez par répondre à la question, madame. Allô? Non, elle est partie de nouveau. C'est pas grave. On va rappeler encore un petit coup, là, avant de faire le gainage et avant d'appeler la copine de Jimmy, là. Allez, hop, on y retourne. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, on a été coupé. Mais vous êtes sur écoute de toute façon maintenant. Oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question ça monsieur. Oui, vous la connaissez mon adresse? Non, pas du tout. Vous voulez que je vous la donne? Pourquoi faire monsieur? Hein? Pourquoi faire monsieur? Vous la voulez mon adresse? Ben non, moi je veux juste vous répondre. Je vous donne rendez-vous, vous voyez quelle heure il est maintenant? Oui. Ce soir même, je vous la donne rendez-vous. Mais pourquoi vous voulez me donner rendez-vous si monsieur? Si vous voulez, vous venez avec vos amis. Mais pourquoi vous voulez me donner rendez-vous, monsieur? Pour qu'on se dise bonjour. Ah oui, vous voulez qu'on se dise bonjour, mais on peut le faire. Exactement. Au téléphone. Dites-moi, où c'est qu'on est enregistré en ce moment? Ben je sais pas, monsieur. Pourquoi est-ce... Mais vous allez le savoir. Bon, monsieur. Ben non, mais allô? Non, mais malheureusement, nous ne saurons pas. Et c'est bien dommage. Oui, c'est triste. Mais nous ne saurons pas. Tant pis. On remettra le couvert, évidemment, dès dimanche à partir de 20h. Pour les appels malveillants, prévenez bien vos amis, bien entendu. Et puis, Jimmy qui est de retour, toujours de Castres. Bon, Jimmy, bon, on va appeler ta copine maintenant, du coup, hein, pour lui dire que t'es innocent. Mais après, moi, justement, je voulais te demander qu'est-ce que tu voulais lui dire. Hein. Ben, je vais lui parler. Ouais. Je vais lui dire que t'es innocent, tout simplement. On va chanter. Voilà. Attends, mais au pire des cas, faut pas dire qu'on est sur Fun Radio. Ah bon, bah pourquoi? Parce qu'elle veut pas, elle n'aime pas qu'on passe par la radio justement pour... Ah. Parce qu'en gros, ouais, y a mes sœurs, bon, contre mon gré, mais il y a mes sœurs qui sont intervenues, qui l'ont appelé, qui lui ont dit, ouais, voilà, Jimmy, c'est pas un mec comme ça. Il y a mon meilleur ami qu'elle connaît, qu'il l'a appelé, il lui a dit aussi, donc ouais, là, si en plus on dit qu'on est à la radio, je pense que ça va juste la saouler. Bon, écoute, alors, il vaut mieux qu'on l'appelle, mais dimanche soir. Parce que là, à 1h42 du mat, si c'est un mec qui l'appelle et qu'on peut pas dire qu'on est à la radio, je pense que là, on te tue ton dossier, là. Ah non, mais je préfère être honnête, tu vois. Après, nous, on va peut-être se marrer, mais je vais pas non plus casser ton plan. Alors, il vaut mieux qu'on l'appelle dimanche soir à 20h. Et on lui offrira des autocollants. Voilà, c'est ça. Avec la tête de Toff qu'elle pourra mettre sur ses fesses. Tellement mignon. Mais oui, non, tu m'étonnes. Pas sur les fesses de ma chérie, non. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Bon, on la rappelle dimanche soir. Bah, déjà, voilà samedi, tu nous dis comment ça s'est passé. On te rappelle dimanche pour le savoir. Et au pire, on l'appelle dimanche. Ok. Bon, on fait comme ça, parce que sinon, ça va te niquer le couple. Et je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Oh. Mais après, franchement, entre nous, vous pensez pas qu'elle utilise justement ce prétexte pour rompre? C'est possible, oui, je suis. Oui, mais il faut en avoir le carnet. Comme je t'ai dit, c'est vraiment très exagéré pour un film avec les mots que je t'ai dit. Quoi. Mais non, en même temps, film, parce que c'est normal. Mets-toi, inverser les cas, inverser les rôles. Oui, j'aurais fait un scandale, mais voilà. Bon, j'aurais dit qu'elle avait filé le truc à une copine. Bon, bah voilà, c'est que des mots derrière un écran, je veux dire. Oui, mais ça dit. Non, mais. Oui, mais c'est que des mots derrière un écran, d'accord, ok. Mais peut-être pour toi, parce que tu sais qu'il n'y a rien derrière et que voilà, mets-toi à sa place. place, elle voit que t'es sur un site de rencontre, même si c'est pas vrai, machin. Elle, elle le voit et elle, elle a cette version-là. Donc, elle, toi, t'es sur un site de rencontre, tu discutes avec une meuf ou avec, enfin, avec des meufs, hein, j'en sais rien. Donc, à un moment, elle tombe dessus. Donc, mets-toi à sa place. Évidemment, qu'elle se dit, le mec se fout de ma gueule, va te faire enculer, casse-toi. Oui, c'est ça. Non, c'est pas anormal. C'est juste qu'il faut arriver à la convaincre, en fait. Et voilà, tu l'as pas fait. Et voilà, pour le coup, tu l'as vraiment pas fait. Bon, je te souhaite bonne chance pour samedi. Ne lui prends pas trop la tête. Pour samedi ou quoi ? De quoi ? T'as un conseil ? Enfin, vous avez un conseil à me donner pour samedi ? Ne lui prends pas la tête. Fais pas le mec qui pleurniche. Ouais. Parce qu'il y a un moment, si tu veux la meuf, ça va la saouler. Ah, oh, oui, meuf, c'est pas vrai, c'est pas moi. Ramène un bras vivant et égorge le sang. Et voilà. Tu lui jettes le sang au visage. C'est ça. Non, non, mais voilà. Je suis dans ma tête aussi ou... Non, dis-lui simplement que... Bah, tu lui expliques les choses. Tu lui dis, écoute, c'est dommage. Si tu veux plus qu'on soit ensemble, bah, c'est ton choix, pas de problème. Maintenant, moi, j'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien fait. La version que je t'ai racontée, c'est la vraie version. La version que, je sais plus qui, ton pote, là, a raconté, c'est la vraie version. Maintenant, si tu veux rester et croire ce que tu penses être la vraie et qui est en fait la mauvaise version, crois-le, tant pis, on va casser, tu vas peut-être rater une belle histoire, moi aussi du coup, tant pis, c'est toi qui décides, et voilà, hop, te laves les mains, avec le sang du rat, et puis au moins t'es tranquille quoi. Non mais tu vois, il y a un moment c'est elle qui doit prendre la décision, mais il faut pas arriver là et pleurnicher, gna gna gna, je suis malheureux, c'est pas vrai, je suis innocent, on branle. Sans toi je ne peux pas vivre. Non mais tu vois, faut pas. C'est du vécu. Ouais. Il faut pas pleurer. D'accord ? Okay, bon, allez, bonne chance. N'oublie pas que t'es un gagnant. Vas-y mon pote, et on te rappelle dimanche. Hey, le rat dans la poche. Écoute-moi bien, le rat dans la poche gauche, tu le tires, paf, tu l'égorges. Mais arrête en cinéma. Et bon. Tu pisses le sang sur sa gueule. À dimanche 20h, Jimmy. En tout cas, Michael, je voulais dire, je te suis depuis l'émission Sans Interdit. Ah bah c'est gentil. Écoute, et franchement, c'est génial. Ah bah ouais, là, y a un sens là. Ah bah. Là, y a merci un sens, beaucoup. Tu peux circuler ma gueule. Merci beaucoup, Jimmy. Merci beaucoup, et à dimanche. Ça marche à dimanche, c'est salut ça. Salut à toi, ciao. Bon, t'imagines, il a 23 ans, il y a un programme de meuf aujourd'hui. À l'époque, quand il écoutait Sans Interdit, il doit peut-être appeler. Ouais, je me suis fait punir par mon prof. C'est ça, ouais. J'étais au coin. J'ai un poulet qui vient de pousser. Bon, allez, il y a plein de messages qui l'auditeur a raison. Si tu mets le cul en l'air, les abdos ne travaillent pas et le cul trop bas, pareil. En plus, ça fait mal au dos, il faut vraiment rester droit. Bon, eh ben, allons-y, c'est parti, on y va. Oh, non. C'est parti maintenant. Non. Le gainage, on a fait ça. Défi 30 jours, vous avez vu ça, ça certainement traîné sur Facebook et Twitter. Oh mon Dieu. Le but, se mettre en mode pompe, sauf que on reste droit et on pompe pas, on se met juste sur les coudes, enfin les avant-bras. Et il faut tenir combien ? 120 secondes. Quelle 2 horreur. Minutes. C'est rien, Polo. Hein ? Tu es prêt ? Oh Polo, s'il te plaît. Arrête. Allez, mets-toi en position et arrête de faire ton ronchon. Hein ? Regarde ce corps d'athlète que tu as depuis que tu fais ça. Oh, c'est dur. Tu es presque beau gosse maintenant. En plus, je suis fatigué là. Ah. Oh là là, papy. Mais c'est vrai, attends, mais je mets le micro là. Ah oui, tu mets le micro. Ouais. Ah oui, je mets le micro. Alors, le câble est trop court. Bah, je vais pas pouvoir le faire, le câble est trop court. Ah, attends, si c'est que ça le problème, il y a d'autres câbles. Attends, je te donne un câble. On va te trouver un câble plus long, t'inquiète. Attends, bouge non, pas. C'est bon. Non, c'est bon, je te trouve un câble, ça me fait plaisir. Allez, attendez, voilà, c'est bon, fais pas chier. Ah, mais je te trouve un câble, tu veux pas c'est le câble. C'est bon, oh là là, pas me saouler pendant 1000 ans là. Ah, tu veux un câble, moi je te trouve des câbles. C'est bon. Mais t'es sûr, hein, parce que sinon je te trouve un câble. La gueule, allez, on y va. Bon, quelle vulgarité, je te jure. En mode gainage, putain, moi je me mets en mode pompe, c'est con. Allez, hop, c'est parti. Oh. Allez, putain, j'ai pas envie non plus. Combien de temps ? 120 secondes ? 120 secondes, 2 minutes. Bon, allez, soutenez-nous, hashtag Emickel. Emickel, vous débutez votre message par Emickel, vous envoyez ça au 64 900 pour nous soutenir. En mode gainage, on est à même le sol là. Et c'est parti ! Allez, on y va. 120 secondes. C'est le score à battre. Enfin, c'est pas à battre, hein, c'est le score à faire en fait en l'occurrence. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas si je suis droit là. Ouais, je pense que ouais. Non, t'es pas droit là, tu fais un arc. Comment ça, je suis pas droit ? T'as le cul gros. Ah bon ? Là, c'est bien là. Quelle horreur. Là, t'es beau gosse là. On est à 25 secondes. Hein. Ah bah parfait. J'avais l'impression que ça faisait 2 heures. Non, on est à 25 secondes là. Ah ouais, là, je le sens mieux dans les abdos là, effectivement. Ah, tu vois ? Merci l'armée là. Ah, bon, donc on est à même le sol. Et bah comment t'as peu Toff, parce qu'en fait je me rends compte que je me fatigue pendant que vous branlez rien. Bah oui, mais justement c'est ça qui est bon, c'est pour ça que tu vois nous on y arrivait bien. Parce que du coup c'est moins fatigant de le faire nous tous. Pendant que toi tu parles, tu racontes ta vie. Oh mon Dieu, c'est dur. Ah, t'as vu hein. Non, pas ce micro à polo. J'avoue que ça fait mal. Je peux pas bouger là. C'est que si je bouge, je tombe. Oh putain, on est à combien là? On est à une minute. Un petit point sur le temps. On est à une minute. Quoi? Juste une minute? Eh ouais. Juste le milieu? Eh ouais. Oh putain. Mais ça passe, hein. En fait ça passe crème quand on le fait bien là. Ouais, ah bah oui, ça passe crème, moi. Ouais, mais non, je le sens bien dans les abdos là. J'ai plus mal au dos, j'ai mal aux abdos là. Oh putain. Ah, oh j'ai les... Ah, c'est-à-dire que j'ai le bide qui tremble tellement ça fait mal. Ouais, ça c'est quand on a du vide. Oh putain. On est à... Combien? 1 minute 25. C'est tout? Eh ouais. Oh putain, mais ça n'avance pas. Comment on va faire pour faire 150? Bah franchement, et 270 à la fin à Marseille, il faut faire 270 hein. Ouais mais il y aura du monde, ce sera pas pareil. Justement. Mais non, tu vas pas vomir. Mais ça peut pas aller plus vite, le temps il va aller. Je souffre, sa mère, j'en ai marre. Combien? Oh, 13 secondes. Oh putain. Oh putain. Oh, j'en peux plus. 5, 4, 3, 2, top. Oh putain. Oh putain. Oh c'était dur. Oh c'était dur. Bon, vas-y, on fait l'émission là. Ah, moi je bouge non, pas. J'ai perdu mon micro, attendez. Ouais, je bouge plus, je reste là. Il y a Polo qui rampe jusqu'à sa place. Oh là là. Oh le putain, l'autre il nage, on dirait une tortue qui est en train d'avancer sur le parquet. Oh. Non mais 280, enfin 270. Ah ouais, là t'es presque arrivé à ta chaise là, Polo. Allez, encore un peu. On est bon. Allez, pousse, bon, Polo. Bon, ça va, franchement, c'est passé crème, non hein? Pousse, Polo. Sincèrement, là. Sois fort. C'est passé crème fort, ou pas Polo, tu peux y arriver. C'est passé crème, là, complètement. La crème, elle est complètement passée, là. Mais je trouve qu'on devrait faire ça plus tôt dans l'émission parce qu'on a plus d'énergie peut-être, au début. Ouais. Hein, je pense qu'on devrait commencer par ça. Ouais, peut-être. Bon, allez, Polo contre le reste du monde, c'est parti. C'est pas l'heure. Oui, enfin, c'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure. Bon, allez, on se fait. On se fait quoi? On se fait. Bah, Pitbull, je l'ai promis tout à l'heure, tiens. Ah, bah voilà une pause, bonne idée. Là. Pitbull, Gilo, We Are One. Et juste après, Polo Against the Rest of the World. Si vous voulez participer d'ailleurs à cette grande mini-émission, eh ben 01 42 48 5000, appelez-nous pour la Belgique, 02 851 4x0. Le son de Pitbull sur Fun avec Gilo, c'était We Are One. Et dans quelques minutes, tu auras le top 2 également. On verra lequel d'entre vous a été le plus actif avec le hashtag et Mickaël offre des maillots de foot sur Fun. Ah, il y en a qui disaient hey, je suis trop long. Ouais, dimanche, on fera un peu plus court, vous inquiétez pas. Jean-François, ce qui dit au lieu de vous plaindre et de compter les secondes, chantez Eye of the Tiger, ça passera plus vite. Ah, bah oui, l'auditeur a raison, si tu mets le cul en l'air, les abdos ne travaillent pas et le cul trop bas, pareil. Bah oui, je m'en suis bien rendu compte. Merci pour les conseils tout à l'heure. Il faut. Que le haut de la tête, le dos et les fesses soient alignés pour le gainage. Christophe qui dit salut les amis, bah plus de tweets ce soir, mort de rire, mon colère de chef m'a grillé, un coup de pelle dans sa gueule s'il vous plaît. Avec plaisir. Allez c'est parti, Polo against the rest of the world. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio et on commence tout de suite avec le fou on t'écoute. Une Polo. Ouais. Tu sais pourquoi je suis complètement fou? Non! Parce que j'entends mes boules claquer contre ton cul. Tu quoi? Mais t'es malade ou quoi? Je pense que mon cul n'a jamais connu de boules, tu sais. Si. Non, tu fantasmes, c'est normal, je suis un bel homme. Lucien. Ouais, allô Lucien. Allô. On comprend rien à ce que tu dis, Lucien. Soit tu as ton téléphone dans ton cul, soit tu l'as ailleurs, mais on comprend rien. Marvin, 18 ans. Ouais, bonsoir Polo, comment tu vas? Bien et toi Marvin? Je vais super bien moi, écoute. Qu'est-ce que tu veux? Oui, ce serait pour parler au fou. Marvin, est-ce que tu t'es cru dans une agence de rencontre ici? Non. Non, tu te crois dans un salon de thé? Non plus. Non, est-ce que tu te crois dans un hôpital? Est-ce que tu crois que c'est les alcooliques anonymes où tu dois te présenter puis parler aux gens comme ça? Non plus. Alors ferme ta gueule Marvin. Maëva! Welcome. Wesh Polo, viens ou bien ma gueule? Bien ma gueule et toi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je vais te dire une blague. Oh là là, et c'est drôle ou pas Maïva? Ouais, trop. Bon, attends deux secondes alors. Quentin? Ouais Polo, ça bienvenue. Va? Bienvenue, ouais et toi? Ça va. C'est ta vraie voix ou t'as une espèce de truc qui transforme tout ça? Bah non, c'est ma vraie voix. Bon, vas-y Quentin, allez, je t'écoute. Je vais te demander un truc parce que ta tête elle me dit quelque chose. T'as pas fait l'acteur de King Kong? C'est pas mal Quentin, mais c'est pas drôle en fait. T'aurais dû trouver quelque chose de plus drôle. Non, moi ça m'a fait rire. Ouais. Oui. Hein Quentin? De quoi? Ta gueule. Le fou, le retour. Oui, bel homme. De quoi? Bel homme. Oui, je t'écoute, le fou. Non, mais t'es sûr que tu veux pas que je t'encule un peu? Non, ça ira. Non, ça ira, franchement, sans... merci pour la proposition, mais ça ira. Lucien, le retour. Ouais, le bon. Ouais, Lucien. Ouais, le moulon. Ouais. Ouais, non, mais... non, je t'en veux parce que, en fait, je me disais un peu, j'écoutais ton émission l'autre jour, non? Ouais. En fait, moi, j'aime bien. Ok, merci, Lucien. Waouh, Marvin. Ouais, non, mais je disais, je peux parler au fou, s'il te plaît. Marvin, est-ce que tu te crois dans un salon, ici? Non. Dans un restaurant? Non plus. Tu te crois où... on est où, exactement? À l'hôpital de psychiatrie. D'accord, Marvin. Marvin. Oui. Va te faire soigner, tête de con. Maëva. Oh, Polo. Ouais. Alors toi, t'es tellement con que tu crois que c'est Mimi Mathy qui fait le petit journal. Oh, putain. Eh, hey, Maëva. Allez, casse-toi d'ici. Quentin. Ouais, Polo, tu sais que t'es comme le soleil. Vas-y, vas-y. T'es comme le soleil. Vas-y, ta chute. Alors, arrête de me saouler, là. Mais en fait on peut. Oh putain, allez, casse-toi. On va terminer ce Polo contre le reste du monde avec le fou. Conclusion, le fou. Bah écoute, le fou, bah il t'encule. Très bien. T'as un problème toi avec le trou du cul, hein. Bah, je suis complètement fou. Bah allez, casse-toi, le fou. Marvin, conclusion s'il te plaît. Attends deux secondes. Quentin. Oui. Allez, conclusion. Bah t'es con. Oh là là, Quentin, t'as pas trouvé. Ça, c'est les doux, de ça. Mieux. Ouais, c'est doux parce que tu sais pas quoi dire, mais il fanfaronne. Ouais, ça, c'est les doux. Allez, dis quelque chose d'intelligent, Quentin, pour une fois dans ta life. Bah, je sais pas. En fait, je voulais juste savoir si je peux rentrer dans ton armée des doux. Ouais, bah, de la prochaine fois, allez, dégage. Parce qu'il a été arrogant. Il par a été arrogance. Arrogant. Ouais. Marvin, conclusion, s'il te plaît, mon vieux. Oui, il y a Quentin qui a dit que t'étais un soleil. Marvin, tu vas pas commenter tout là. Dis ce que t'as à dire et dégage. Arrête de me saouler là. En fait, si tu voulais la chute, c'est que t'es tombé de ton siège. Ouais, allez, dégage. Oh là là, putain, c'est Marvin. Lucien, conclusion, je te prie. Oh, donc, non, comme je dis, je comprends rien. Ouais, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que j'allais te faire un cadeau. Ouais. En faisant un peu plaisir, alors voilà, j'allais t'offrir une poule. Un poulpe? Une poule. Non, une poule. Ouais, d'accord. La poule. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Voilà, et okay. Donc, tu la veux que je te l'envoie vivant ou... Ouais, non, ok, ouais, voilà, garde-la. Oh non. Voilà, ouais, garde-la. Envoie la chute, allez, dégage, Lucien. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Merci aux gens qui étaient dans le standard et ceux qui ne m'écoutent pas. Car grâce à vous, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça n'a pas de prix. Merde, à chaque fois, je me gourre avec le jingle. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Ah oui. 2h sur Fun Radio. Allez, il y a un message d'ailleurs de Xtreme Chozo sur le Twitter qui dit: putain, le gainage en même temps que l'équipe, trop morte, des barres de rire, alors il faut tenir. Ben oui, faut tenir. C'est bien d'imaginer qu'il y en a qui sont en train de faire le gainage en même temps que nous, c'est rigolo. Ça, c'est fort. Non, mais c'est rigolo, ouais. Bon, ben on le refera dimanche soir de toute façon à partir de 20h, donc restez bien sur Fun Radio. Et puis on va se faire également le top tweetos. On va donc voir quel est l'auditeur ou quels sont les auditeurs qui ont été les plus actifs, les meilleurs auditeurs de la soirée avec le hashtag MIKL offre des maillots de foot sur Fun. Alors, on commence par le numéro 5. Le Bostiakov. Ah, il est de retour, lui. Oui. C'est bien le Bostiakov, c'est bien. Numéro 4. Guillaume. Numéro 3. Monsieur Delta 39. Numéro 2. Nadia Le Prince. Et numéro 1. Benjamin qui a déjà gagné, non? Oui, il me semble. Il me semble aussi, oui. Nous allons vérifier ça. C'est le troisième qui n'a pas encore gagné. Et il me semble, oui, c'est un nouveau. Nous ne le connaissions pas encore. Eh ben, bienvenue à toi. C'est donc a priori toi qui as gagné ce magnifique sextoy offert par Passage du désir.fr. Bien entendu. On remet le couvert, évidemment. Le couvert, pardon. Dimanche à partir de 20h. Et puis on va se faire, évidemment, maintenant le générique. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu dis pour des bites te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Eh, hey, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race. Qu'est-ce qui se passe ici? Faut que tu tapes ta queue, connard. Quelle cochonnerie. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Écoute-moi bien, espèce d'enculé de tes morts. Bah moi je vais te crever, moi, sale bâtard, tu vas voir. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des pitottes, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. suce ma bite. Voilà, comme d'habitude, on termine en beauté. Bon, ben merci en tout cas d'avoir été là ce soir. Bon week-end footballistique pour ceux qui ont décidé de suivre les matchs de la Coupe du Monde. Pour les filles et pour ceux qui n'aiment pas le foot, bon courage. Oui, ça va bien se passer. Non, bah, ça va aller, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Y'a Polo qui sera à fond sur les matchs hein, ce week-end. Ah, il a prévu de regarder quoi et quel match? Rien du tout. J'ai prévu un film porno, peut-être 2-3 films de cul et puis c'est tout quoi. Bon, très bien. Bon, dimanche soir, on suivra l'équipe de France de toute façon en direct à partir de 21h. Alors on sera là, il n'y a pas de problème. Il y a l'Espagne aussi qui joue samedi, je crois. Et puis, puis on suit tout ça, il n'y a pas de problème. On sera là, pas de problème à partir de 20h dimanche soir. Bon week-end tout le monde. Gros bisous, amusez-vous bien. Sortez couverts si vous avez prévu de pécho. Et puis, en pleine forme, hein, surtout bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances là. Ça y est, hein. Ah, y en a qui sont. Ça commence là, c'est parti. Hein. C'est le début là, c'est le début. Il y en a plein qui sont qui commencent à être en vacances là. Donc profitez bien, les autres patients, ça va arriver. Et puis n'oubliez pas que dimanche le 22 juin on sera en direct de Marseille. Je compte sur vous pour faire passer le message à tous les Marseillais là pour nous prouver que la ville la plus ouf de France c'est bien Marseille. Je compte sur vous pour nous le faire savoir et pour le faire savoir. Dimanche 22 juin on sera là à partir de 16h sur le Vieux-Port pour faire des conneries et des cadeaux à vous filer. Et puis à partir de 20h on fera l'émission en direct des studios de Fun Radio Marseille. Et je compte sur vous également pour blinder le studio massacre. Allez les Marseillais, à dimanche 20h, ciao. 23h, 2h. Test down. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio.